hier à son retour sur le sol américain. Une douzaine de voitures et de nombreux agents de sécurité l'ont escorté jusqu'à New York. C'est Kanye West qui est venu la chercher en France hier quand il a appris l'agression. Pendant son concert, il a sauté dans son jet privé pour récupérer sa femme à Paris. Pour l'instant, elle n'a rien posté sur les réseaux sociaux. Apparemment, c'est un styliste caché dans l'hôtel particulier qui a donné l'alerte. Kim Kardashian aurait déclaré aux enquêteurs avoir pensé que ses agresseurs voulaient la violer. Son garde du corps n'était pas présent. Il était en boîte avec deux de ses sœurs. Quoi qu'il en soit, cela n'arrange pas les affaires de Paris, dont le tourisme était déjà en berne à cause des attentats. Mais la vie est plus réservée aux États-Unis, où la presse estime que c'est un fait divers. Malheureux, c'est vrai, mais que la star étalait beaucoup trop sa vie et sa richesse sur les réseaux sociaux. Une opération taille XXL pour sauver Alstom. C'est aujourd'hui que va se décider l'avenir de Belfort. La direction, vous le savez, souhaite arrêter la production. 400 emplois sont en jeu. Le gouvernement va commander 16 TGV pour relancer l'activité. Montant de la facture, 500 millions d'euros. Une commande qui devrait assurer du travail aux salariés du site pour les deux prochaines années. Autre crise sur la table du gouvernement, celle des céréaliers. Les intempéries et le printemps pluvieux ont provoqué une baisse du rendement jamais vue. La production a chuté de 30% alors que la France est le premier exportateur de blé en Europe. Un plan d'aide sera annoncé aujourd'hui par Manuel Valls. Les filières d'élevage devraient aussi être concernées. Pas de mur anti-intrusion à Calais. La construction du fameux mur végétal à proximité de la jungle a été suspendue. Décision prise par la maire, Natacha Bouchard. Elle estime qu'il ne sert plus à rien puisque François Hollande s'est engagé à démanteler le camp de migrants d'ici la fin de l'année. Un bon moyen aussi de le contraindre à tenir sa promesse. Pas sûr tout de même que le mur ne voit pas le jour. La préfecture, favorable à sa construction, s'oppose à l'arrêter et souhaite poursuivre les travaux. Du sport et du foot avec un petit nouveau en équipe de France. Le joueur du PSG, Presnel Kimpembe, va découvrir les joies de Clairefontaine. Il a été appelé par Didier Deschamps pour remplacer Liam Mangala, blessé avec son club de Valence. C'était contre l'Atlético Madrid. Les Bleus se replongent en fin de semaine dans les éliminatoires du Mondial 2018. Ce sera vendredi contre la Bulgarie et lundi face aux Pays-Bas. Et dès demain, des places à gagner dans le morning à 8h05. On vous filera vos places pour aller voir l'équipe de France vendredi. Des places à choper. Notez bien, vous êtes les premiers informés, ou presque, dès demain dans le morning à 8h05. Ce sera tous les matins. Bon, merci Rémi pour les infos. À tout à l'heure. Tu seras là à 8h05 aussi. Ah bah oui, je serai là. Et même à 6h30. Eh bah oui. Il sera là tout le temps, Romano, t'as vu. Quelle chance. Mais oui, je suis pas. On a quand même le meilleur. Une équipe. Le meilleur des journalistes, c'est ça, ouais. Pas le meilleur, mais pas le plus mauvais. Voilà. Ah, bah ça. Voilà. Bon, il est banal, quoi. Et modeste, en plus. Bon, merci Rémi, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Il est 6h du matin, pile sur Skyrock. Bonne journée, bon réveil. On est mardi. Il fait pas chaud ce matin. Le petit déj de l'équipe. Difool, jus d'orange, café, protéines, Red Bull, vitamines, coca. Cédric, kebab, beurre de cacahuète, beurre, chips, frites, Nutella, fromage, hamburger. Cariole, thé, salade de fruits, fromage blanc 0%. Menteuse. Romano, rien, ça coûte trop cher le petit déj. 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Romano, c'est juste quand tu lui offres le petit déj, sinon, voilà, sinon il n'en prend pas. D'ailleurs, ce matin, je me suis servi un petit café tranquille. Oui, parce qu'il est gratuit ici. Ouais. Bon petit café gratuit, vous aussi, bon réveil. Il est gratuit chez moi aussi parce que je le prends ici. Oui, je sais. Romano se fournit exclusivement ici à la radio. Dédicace à toi, Cédric le Belge qui achète les capsules. Ah, cette petite saloperie. C'est vrai que Cédric rachète les capsules et toutes les semaines, il est là. Bon, là, putain, vous buvez trop de café. Tu parles, Romano, il en prend la moitié, là. Oui, et puis Difool, il se barre avec les bouteilles d'eau. Donc, il ne reste plus grand-chose. Bonjour, Cariole. Comment vas-tu? Ça va. Beauté ça va. Divine. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je suis content. Bonjour, Sam. Bonjour, salut. Les réseaux sociaux. Bonjour, le hashtag morning de Difool. Le hashtag pas cher. Le hashtag, tous les hashtags que vous voulez. Le hashtag Skyrock. Bienvenue à vous tous. Et je vous disais, il fait pas chaud ce matin. Il fait 3 degrés à Mende, nous disait Yao sur SMS. Yao, et je te dirais même hello, Yao. 3 degrés à Mende. C'est pas chaud, dis donc. Ça va encore baisser cette semaine. Fais voir les températures ce matin. 5 degrés à Montluçon. Ah oui, il fait pas chaud. Saint-Étienne, 5 degrés. Charleville-Mézières, 5. Le Puy-en-Velay, Clermont-Ferrand, 4. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bah, il fait pas chaud. Paris, 11. Ah bah, ça c'est quand même beaucoup mieux. 11 dans la voiture pour Quetard sur SMS. Bonjour à toi, Quetard. Ah mais 11 dans la voiture, même un peu de chauffage. Non mais je pense que c'est sur le thermomètre de la voiture. Ah, c'est thermomètre extérieur. Sinon, t'as raison, Romano, dans ce cas-là, faut mettre un peu de chauffage. Ah ouais, parce qu'à 11, tu cailles, ouais. Bon, couvrez-vous, il fait pas chaud. Bonjour Adam, sa crise du 13, 16 à Toulouse. Pour un fils qui fait 16 à Toulouse. Ah, moi j'avais pas ça sur ma météo. J'avais un petit peu moins à Toulouse ce matin. C'était chill. J'avais déjà du 12. donc c'était déjà pas mal. Nice et Bastia, il fait 15 degrés. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'entendais des bruits bizarres. Il entend des bruits bizarres. J'avais l'impression d'entendre des voix. Oui, mais c'est ça, il est bien. Oh, la Chris Family se réveille avec nous. Déjà tous dans la cuisine à l'écoute de Skyrock et on attend votre coup de fil pour les 1500 euros. Eh ben, ça tombe bien, les 1500 euros, on vous les offrira ce matin. Que des filles qui ont gagné hier matin. Virginie a gagné 1500 euros à Albi, Léa à La Rochelle. Elle-même se payait son permis. Eh bien, écoutez, ce matin, on ira peut-être chez les gars, mais en tout cas, on ira un peu partout en France vous offrir de l'argent. 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock. Ça se passe comme ça dans le morning sur Sky. On a vos PS4 à vous filer avant 6h30. Avant 6h30, on jouera à l'invité mystère du son à écouter pour se réveiller. Un petit PNL, ça vous dirait? Ouais. Eh ben, ça tombe bien. On aura un petit PNL tout à l'heure à écouter. Les 21 Pilots aussi. Un truc qui va vous rappeler plein de souvenirs. C'est le Killing Me Softly des Fugees. Ah, qu'est-ce que j'ai emballé là. Ah, et moi, oh, mais non, mais qu'est-ce qu'on a emballé là-dessus Ah, les gonzesses tombaient comme des mouches. Hein. Ah bah, c'est pas comme des mouches, mais ça tombait un peu, quoi. Calvin Harris et Rihanna, là, pour démarrer cette matinée. Et puis, au programme, on aura des nouvelles sur l'affaire Kardashian, dont on vous a parlé hier matin dans le morning. Dès que c'est tombé, vous étiez au courant hier matin, là. Là, ouais. Je n'ai pas retrouvé la bagouze. Non, mais on a peut-être des renseignements à vous donner ce matin. Et puis tiens, je vous ai pas dit, mais l'invité mystère pour gagner la PS4, ce sera le jeu de 8h20, de 6h20 et de 8h20 aussi, mais de 6h20 déjà, puis quand même 6h04. On va s'occuper de ce qui va se passer très près de nous. Donc à 6h20, votre console a chopé la PS4. Ouais. Slim a chopé pour vous. Bon, et le réveil de star. Tiens, on n'a pas parlé du réveil de star. Qui c'est donc qui va réveiller les familles ce matin? Une star. Eh bien, c'est bien vu, Romano. Une star, mais laquelle? Ah, c'est ça la question. Écoutez-le, une voix que vous entendez toute la journée sur Sky. Bonjour, vous avez reconnu? Ouais. Eh ben ouais. C'est Soprano. Eh ben oui, c'est toi, Soprano. Il vient réveiller les familles. Comment le Marseillais va-t-il être accueilli avant sa grande tournée Skyrock de l'année prochaine dans toutes les villes de France? Il ira partout, tournée gigantesque de Soprano, également appelé... Soprano. Eh bien joué, on va au cœur avec Soprano. Il réveille les familles de France dans un instant, on va voir ce que ça a donné cette histoire-là. Et puis le son de Rihanna et Calvin Harris pour se réveiller à 6h04, c'est parti. This is what you came for sur Skyrock. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. She's looking at Is What You Came For, Rihanna, Calvin Harris sur Skyrock avant d'écouter les Fugees, le son sur lequel elle tombait comme des mouches, nous a dit Romano tout à l'heure. Mais ça ne m'étonne pas, Romano. Ah, mais c'est sûr. Les Fugees, grand souvenir, hein, gros classique du rap qu'on va retrouver d'ici deux minutes, là, le temps de retrouver Soprano. Imaginez, elle vient vous réveiller un matin et elle vous fait Aïe, Soprano Baba, et bonjour, du fou, là, comment tu vas? Oui, il y a pire, lui, il est tout en bonne humeur. C'est vrai, Soprano, il est souriant. Cool. Soprano avec une des chansons préférées de Carriole, on peut le dire. Barman, hein, Carriole. Ah ouais, elle adore. Ah, elle adore. Hein. Carriole, quand elle voit trop le barman, après elle vous met le feu, c'est un truc de fou. Hein. Bon, on écoutera En Feu de Soprano, tiens, tout à l'heure. Ah. Ça me donne envie. Mais avant ça, le réveil de star avec Soprano. Soprano qui vient réveiller les familles de France. Ah, tu voulais mettre le jingle? Ah, bah moi je suis prêt, moi. Alors attention, 3, 2, 1, jingle. Stop, jingle. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Mais oui, qu'est-ce qu'il sait? Eh ben c'est Soprano qu'on retrouve. Oh, ça c'est Cosmo que j'ai reconnu derrière. Soprano Baba, le Marseillais, avant sa tournée en France avec Skyrock, évidemment, c'est l'année prochaine. Ouais. On a même démarré cette saison vous offrant plein de places pour aller voir Sopra. Eh bien, Soprano, toujours sympa, toujours pratique, vient réveiller les familles de France, la famille d'Alain ce matin. Comment va-t-il être accueilli? J'espère qu'il sera bien accueilli. On va écouter tout ça. C'est parti. C'est Sopra sur Skyrock. Et Alain. Un nouveau duo. Ah, c'est pas cool. Soprano, hein. Et Alain. Soprano et Alain. Allez. Allô. Bonjour. C'est Marcy? Mais bien sûr que non. C'est qui là? C'est Soprano. Je vais vous tromper le numéro, hein? Non. Qui c'est? Bonjour. Bonjour monsieur. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est de la part de qui? C'est Soprano. C'est qui, monsieur Soprano? C'est qui? Soprano Baba. C'est quelqu'un de l'Oyi? Ah oui. C'est un gars de l'Oyi, Baba, je sais pas quoi. Soprano Baba. C'est un chasseur ça. Ou quoi? Ouais. C'est un chasseur. Bah, il demande pourquoi vous téléphonez. On est en train de foutre le bordel. Bah non, mais il est en train de se doucher, c'est pas marrant pour lui, hein. Mais on s'en fout. Allô. Oui, mais je sais pas qui vous êtes. En fait, je l'ai dit, en fait. Et vous faites quoi exactement? Ce serait pour un renseignement, s'il vous plaît. Oui, bah allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais une femme pendant une journée? Ah. Oh, mais c'est quoi ce délire, là? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir, qu'est-ce que tu ferais si t'étais une femme pendant une journée? T'es choqué, Alain. Non, mais vous êtes un détranqué ou quoi, là? Mais bien sûr que non. N'importe comment, je préviens la gendarmerie si vous arrêtez pas, hein. Tu dirais quoi si un mec te propose de l'argent pour coucher avec toi? C'est bien. Ouais, bah, moi, vous donnez votre nom, vous venez, je téléphone à la gendarmerie. Voilà. Non, on verra sur le tas, t'inquiète pas. Venez, vous allez voir. Ça veut dire quoi, ça, votre système, là? Oula. T'inquiète pas, j'ai des principes et un honneur. Pauvre type, voilà. Sans couille. Eh bien, Soprano est habillé pour la journée, là, au moins. Hein. Il y a des trucs qu'il faut pas leur demander à eux. Hein. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais une femme toute la journée? Alain, il a pas supporté. Non. Ah, il était à détraquer. Ouais. Et la deuxième question, l'argent, tout ça, coucher. Alors là, il y a eu du chocage, mais vraiment du chocage très fort. Non, mais amis. Il va où, lui? Écoutez, elle est encore là, la femme d'Alain, parce que c'est pas Alain, c'est la femme que vous entendez derrière moi. Elle est choquée. Hein. Elle va à la gendarmerie. Je vais là, non, elle a oublié le me. Il y a plus de me. Dans la gendarmerie. Dans la gendarmerie. Et ils étaient bons, ceux-ci, hein, dis-donc. Ah ouais. Alain, Soprano, réveil de star. Soprano est content. Ouais, il a l'air. Je le vois. Tu es comment, Sopra? Allez, Soprano, le retour tout à l'heure dans moins d'une heure. Il va réveiller une nouvelle famille. Comment que ça va se passer? On verra ça. Eh bien, tout à l'heure, 7h10, il est 6h12, 13, même presque, sur Sky. C'est l'heure de retrouver les Fugees. Attention, elles vont tomber comme des mouches, Romano. Ah, ben là, il est possible que j'emballe. Ah, mais c'est possible. Il est possible que j'emballe dans le studio, là. Il y a du monde dans le studio, ils sont trop beaux gosses. Regarde. Ah ouais, ouais. Là, je vois que tu regardes Rémi avec excitation. Je sais pas trop qui je vais. Je vais peut-être pas emballer du coup. Non, peut-être pas emballer là sur le coup là. Regarde-moi. Ah, oui, déjà plus. Ça change tout hein, quand même. Les Fugees, qui les Miss Sophie, un grand classique du rap pour se réveiller ce matin, c'est sur Sky et seulement sur Skyrock. Les stars réveillent la France. C'est Soprano. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Ah, bien, cousin. With his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. to my eyes, strumming my pain with his fingers. Softly, c'était les Fugees sur Skyrock à 6h17. Bonne journée et bonne humeur ce matin. Ça fait plaisir de vous retrouver comme ça à 6h17. Vous allez voir, vous allez avoir un grand sourire si vous vous retrouvez à l'antenne avec nous avant 6h30. Ça voudra dire que vous avez gagné votre PS4. On va la mettre en jeu, la PS4, ce matin. Et on va vous poser une question. On va se mettre dans les conditions d'une émission de télé-réalité, de la télé. Mmh. Et on va répondre à une question ce matin. Est-ce que vous sortiriez avec une jeune fille que je vais vous présenter? Enfin, une jeune fille. Une dame, plus précisément, que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Mais d'abord, il faudra découvrir qui est l'invité mystère. L'invité mystère est la présentatrice de cette émission de télé. Donc, dans un instant, je présente une meuf qui participe, une des candidates. Et vous me direz si vous sortez avec elle, les gars. Les filles pourraient même répondre à la question. Vous avez le droit à tout le monde. Bon. Mais d'abord, émission mystère à découvrir. Notre invitée ce matin, c'est elle. L'invité mystère. L'invité mystère. What? Si vous trouvez l'émission, vous trouverez l'invité. L'invité, c'est elle. Bonjour. Bonjour. Ah, bah tiens. Vous l'avez reconnue avec son célèbre. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Elle est sympa, elle est mignonne et elle présente l'émission. Ah, une émission rurale, mais on n'en dira pas plus. Il me faut son nom. C'est un carton d'audience, ce truc. Exactement. Hein. Son nom, c'est au 41-759 ou sur l'appli Skyrock. Vous avez reconnu qui dit bonjour. Bonjour. Bonjour, les meubeux. Bonjour. Oh, elle a reconnu Carriole. Je suis plus cochonne que panthère. Oh, ouais, tu cochonnes comme Carriole. Ah, bah, très bien. Panthère. Très bien, c'est bien. Bon, c'est qui? Vous l'avez reconnu? Vous savez qui c'est? Ça va. Vous nous dites tout ça au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Et dans un instant, on présentera une des candidates de son émission à elle. Bonjour. Et vous nous direz si vous sortiriez, les gars, avec une fille comme elle. On va se mettre dans la position un peu d'un des candidats de l'émission. Il y a des candidats, des candidates. Ouais. On s'en occupe juste après vos réponses. Et vos réponses, vous pouvez les donner maintenant, hein, vous le savez. 41-759. Pour nous envoyer ça par SMS, le skyrock.fm, ça marche aussi. Et puis évidemment, la magnifique appli Skyrock, vous envoyez des messages, c'est gratuit, c'est pas cher. Et vous vous retrouvez à l'antenne avec nous. N'oubliez

c'est ta seule. Vois ma je sais pas vraiment. Le Yankee veut ça. En menottes dans la au palais, je sens la je rentre que pour la la street, ça pue là. Je vois le monde, je vois ça. En poster, j'ai là. Tu crois, je veux le. Et tout ce qu'il y a de. Sa mère là, AMD. Je suis total, elle m'en fait. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et on se réveille avec Skyrock et du gros son PNL qu'on vient d'écouter à l'instant. Là, on écoutait Na et puis du 21 Pilots qui arrive. Alonso, le Marseillais aussi, sera là avec nous. C'est bien, on a eu son pote Soprano en réveil de star. Et ben, Alonso arrive. Et à 6h25, on va retrouver ben, notre premier gagnant ou la première gagnante de la matinée. Et ben, c'est une gagnante, c'est Tiffaine qui est en direct avec nous au Havre. Bonjour Tiffaine. Salut Default, salut tout le monde. Salut, salut. Tiffaine. Salut Tiffaine. T'as 26 ans, tu fais quoi dans la vie Tiffaine? Je suis élève en école d'aide-soignante. Eh bien, on salue toutes les aides-soignantes qui nous écoutent, toutes les infirmières, les infirmiers aussi, parce qu'il y a aussi des gars qui sont infirmières, infirmiers. Bah, et ceux qui bossent dans les hôpitaux et qui ont bossé notamment pour soigner Cédric. Ils ont eu beaucoup de courage et on pense très très fort à eux. Ah ouais, une médaille pour eux. Une médaille, surtout dans le service gastro. T'imagines le service gastro et Cédric dedans, ce qu'ils ont souffert, Tiffaine, à ma pauvre. Oh la chère. Et oui, pas facile. Bon, on aura de nouvelles de Cédric ce soir dans la radio, les bien sûr, comme tous les soirs. Mais avant ça, elle va te dire... Bonjour. Bonjour. Qui est notre invité mystère, Tiffaine, ce matin? C'est Karine Lemarchand. Exactement, Karine Lemarchand. Vous avez trouvé la réponse très très vite. Tu l'as trouvée plus vite que les autres. Tu as donc gagné ce matin la PS4 Slim. Elle est pour toi, Tiffaine. Super, merci. Une PS4 Slim qu'on va t'envoyer à la maison. C'est pas facile à dire à 6h26, mais elle est gagnée quand même. Hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais. Ah bah c'est super. Il y en a un qui va être content. C'est qui? C'est ton chéri. C'est ça. C'est ça, ton chéri va coller sur... C'est bien, toi, tu te lèves tôt pour jouer avec nous, tu gagnes. Et lui profitera de la PS4 Slim, c'est quand ça. Même pas mal. Ça va, la vie est belle. Voilà. Quel beau couple. Eh bien, bravo à toi, Tiffaine. On va faire un petit test ce matin. Je vous ai demandé, je vous en ai parlé il y a un instant. Et je vais vous demander plus précisément ce que vous en pensez. Je vais vous présenter une femme. L'amour est dans le pré, donc. Qui participe à L'amour est dans le pré, l'émission de M6 qui passe tous les lundis soirs où les agriculteurs recherchent l'amour. Voici tout de suite. Alors ça, Monique. Monique, elle est, c'est quoi? Elle, c'est une prétendante ou elle recherche l'amour? C'est une prétendante. Elle a 55 ans. Elle est hélicultrice dans les Alpes-Maritimes et pendant un pique-nique avec son prétendant Jean-Marc, elle décide de le séduire et voilà ce qu'elle fait pour le séduire. Imaginez le petit pique-nique. Vas-y, Monique. Vous êtes avec une meuf et elle vous fait ça. Les gars, vous nous dites si ça vous excite. Oh, il y a un corbeau, regarde. Ah, il y a un corbeau. Il va lâcher le camembert à non. L'odeur alléchée. Voilà. Tombant. Oui. Comment c'est? Un camembert. Non, c'est pas un camembert. Non, c'est un fromage, tout oui, simplement. C'est un fromage, oui. Pas un camembert. Camembert c'est président, tu vois. C'est Maître Corbeau sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Moi, une meuf qui me récite les flaps de la fontaine, je pense que je craque tout de suite. Maître Corbeau. Oui. Qu'avez-vous dans votre bec? Un morceau de camembert? Mais oui, mais c'est oui, ça. Mais oui, c'est ça, Monique. C'est ça, tu veux un morceau de camembert. Putain, Monique, il y a un problème avec son camembert. Mais non, c'est du maroilles ou du reblochon. Ah, Monique. Voilà, donc vous imaginez, vous avez une meuf qui vous fait cette petite démonstration. Mais ça a duré combien de temps son cinéma? Oh bah attends, j'en ai encore un peu si tu veux. J'en ai sous le pied, comme on dit. Toujours le camembert? Le camembert et le mec Jean-Marc s'y met en plus. Maître Renard, méditez ce langage. J'ai le couple, hein. Vous êtes beau, si votre plumage. Et aussi beau. Non. Si votre plumage se rapporte à votre langage. Non, Monique, arrête les femmes de la fontaine, ça sert à rien. Ouais, Monique, tu fais chier, Monique. Faut que tu arrêtes les femmes de la fontaine, c'est plus possible, Monique. Oh, regarde là, ah ben, c'est le camembert. Non, ta gueule. C'est le corbeau qui a lâché le camembert. Ouais. Ouais, t'allais quand même à confondre un corbeau et un camembert. Ouais, là, c'est ça, c'est le Monique, tu chies dans la colle, Monique. Oui, Monique. Alors, vous avez une meuf qui vous drague comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous sortez avec ou pas? Non. Ah, toi, Cariole direct. Moi, non. J'ai dit que les filles pouvaient également répondre. Moi non plus. Voilà. Ah, je sais pas pourquoi, parce qu'au bout d'un moment, elle va me prendre la tête, ça va me rappeler les cours, tout ça, mettre corbeau sur un arbre perché. Ouais, ouais, ça m'a non, mais ils étaient où, à la campagne? Bah, ils étaient en plein pique-nique, oui. Ah, bah, moi, je lui dis, vas-y, tu sais quoi, on va niquer, on va arrêter de parler, Monique. Ouais, voilà. Monique, de qui Monique, la tienne? C'est vrai qu'il la nique. Un, oh, au moins un qui la nique, hein, ça, moi, ouais. Non, mais je remarque, je pense que le mec, il répondait, il a dû dire, moi, s'il y a moyen de tirer son petit coup. S'il y a moyen de moyenner, ouais. Hein, comme on dit, ouais. Toi, Tiffaine, un mec te drague comme ça, mettre un corbeau sur un arbre perché, qu'est-ce que tu... Non, j'en veux pas. Hein. Non plus. Hein. Non plus. Donc, impossible. Je pourrais pas. Moi, je lui mets un coup de pelle pour Jimmy, qui est très énervé. Bonjour, Jimmy. Moi, il est possible que je la gifle. Ah non, c'est pour rire. Message de McGregor. Merci, McGregor. Voilà. Bon, en tout cas, ils parlent de camembert. Ils sont en train de bouffer un pique-nique. Et de corbeau. Le corbeau, ouais. Le corbeau, ça l'a passionné, la Monique. Eh bien, voilà. Le corbeau, le ouais. Camembert et la fable de la fontaine. Monique, tu lui montres un corbeau, ça lui fait l'après-midi. Oui, c'est vrai. Elle est heureuse avec son corbeau et son camembert. Ah, ils ont des techniques de drague bizarres dans l'amour et dans le pré. On te fait une bise, Tiffaine. Bravo pour la PS4 Slim. Elle est pour toi. On te fait un gros bisou et une bonne journée à toi. Merci à vous aussi. Salut, Tiffaine. Salut. Ciao. Et les 21 Pilots juste avant les infos, puis les conseils pas chers qui arrivent juste derrière. Ouais. 21 Pilots, c'est Ride à 6h30. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. 21 Pilots sur Skyrock avec Ride. Il est 6h32 et dans le morning, on n'est jamais au bout de nos surprises. Romano, dans un instant, nous parle de coiffure. Mais oui, vous ne rêvez pas. Coiffure, et couleur ouais. Et compagnie. Et cheveux. Ouais. Romano est prêt à tout pour gagner de l'argent, même de parler de ses plus grands désespoirs de sa vie. À des drames de ma vie. À des drames de ta vie, oui. Ma chauvitude. Ta chauvitude, mais tu nous parlerais quand même coiffure ce matin. Tiens, envoyez-nous la photo de vous au réveil pour voir la tête que vous avez, si vous êtes juste avant d'être passé par la salle de bain. Juste la tête de votre coiffure au réveil. Les filles, les gars, promis les photos, gardera pour nous, juste pour rigoler un petit peu. Vous nous envoyez ça avec l'appli Skyrock et on en reparlera dans les conseils pas chers. Comment gagner de l'argent? Grâce à la coiffure. Grâce à la coiffure. Mais coiffure spéciale. Hein. Bah, pas, quoi, pas n'importe quoi. Ah, je vais pas faire des coupes classiques. Non, bah, je faut se différencier. Ah, faut pas être comme les autres, et ça, t'as raison. Et toi, d'ailleurs, je remarque que dans le studio, tu es le seul chauve. Et ça, ça te donne une petite particularité, un petit charme. Ouais, c'est vrai, je suis le seul. Là, je voyais Rémi, ça se creuse un peu, hein, devant. Non, absolument pas. C'est juste que moi, je me coupe, là, je fais les pattes, là. Et fais les pattes. C'est normal que tu te coupes au milieu de la tête. Non, mais il fait les pattes sur le front. C'est pas mal, les pattes sur le front. C'est mignon, dis donc, tiens. Ah, c'est hallucinant. Il a des pattes, tu sais, comme Elvis Presley, des grosses plaquettes. Rémi, un conseil entre nous. Écoute bien les conseils, pas chers de Romano, ça peut peut-être t'aider. Ah, ça va t'aider, sûr. Je pense que ça sera même mon premier client. Le son d'Alonso arrive avec Binta, on écoutera Justin Timberlake, on écoutera Ken Jones aussi, et tout de suite vos infos. infos. Nos infos sur Skyrock pour être au courant. C'est parti, c'est avec Rémi. On fait le point sur la météo pour démarrer. Encore une belle journée, du soleil. Ah ouais, nickel, du soleil, vraiment à l'image de celle d'hier, hein, cette journée d'aujourd'hui. Quelques nuages ce matin des Ardennes jusqu'à la Bretagne, mais ça va pas durer, ça va rapidement se dissiper. Donc au final, un ciel bien dégagé pour tout le monde. Les températures écaillent ce matin par endroit, de 5 degrés dans le nord-ouest jusqu'à 15, ça c'est cool. En PACA et dans les Pyrénées-Orientales, ce sera vraiment doux cet après-midi, de 17 à 23 en moyenne et entre 25 et 29 même dans les régions du sud. La pollution, ça reste nickel, les indices compris entre 2 et 4, sauf dans le nord où ça monte à 5 sur l'île Valenciennes et Dunkerque. Ah, je vois les messages qui commencent à arriver pour les 1500 euros. Vous pouvez les envoyer d'ailleurs hein, sur le 7-20-20, vous envoyez 1500 au 7-20-20. On vous appellera peut-être dans la matinée pour vous offrir de l'argent. Sofiane qui rêve qu'on l'appelle pour les 1500 euros. Ah, je rêve que tu m'appelles pour que je puisse répondre Skyrock. Sofiane, 14 ans, qui se réveille avec nous. Eh bien Sofiane, peut-être pour toi dans un instant, les 1500 euros arrivent après les infos et le sport. Une opération taille XXL pour sauver Alstom. C'est aujourd'hui que va se décider l'avenir de Belfort. La direction, vous le savez, souhaite arrêter la production. 400 emplois en jeu. Le gouvernement va commander 16 TGV histoire de relancer l'activité. Montant de la facture, 500 millions d'euros. Une commande qui devrait assurer du travail aux salariés du site pour les deux prochaines années. Les constructeurs qui ont le sourire en plein salon de l'automobile à Paris. Cela faisait longtemps que le secteur ne s'était pas aussi bien porté. Les ventes de voitures ont encore progressé à de 2,5% en septembre. Une embellie qui dure depuis plusieurs mois déjà. Le groupe Renault-Nissan s'était fixé comme objectif d'atteindre le top 3 mondial. Eh bien, opération réussie selon le patron Carlos Ghosn, qui a présenté Porte de Versailles toute une nouvelle gamme de la marque aux losanges. Une mauvaise nouvelle pour les abonnés EDF. On savait qu'un rattrapage était prévu en cette fin d'année. Le montant a été communiqué, à savoir 1 milliard d'euros. Plus de 28 millions de clients vont devoir passer à la caisse. Cela représente environ 30 euros par facture. Ce sera certainement étalé sur plusieurs mois afin de limiter l'impact des consommateurs. Un accident aussi dramatique que spectaculaire. Hier à Chamonix, un Russe s'est tué en pratiquant le wingsuit. Cela consiste à sauter dans le vide avec une combinaison en forme d'aile. Eh bien, l'individu a percuté un immeuble de plein fouet près de la gare. Il est mort sur le coup sous le regard de plusieurs témoins. Bon, on va parler foot maintenant avec un arbitre qui reconnaît ses erreurs. On va parler du match de Balotelli de dimanche et de son carton rouge, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et puis la Ligue 2 aussi. Super Mario, bientôt réhabilité par la Ligue. L'arbitre du match Nice-Lorient avoue avoir été un petit peu dur quand même avec l'Italien qui a pris un carton rouge. La commission de discipline va se pencher sur le dossier. Jeudi, l'attaquant star des Aiglons pourrait donc être aligné lors du prochain match contre Lyon. C'est même quasiment sûr hein, qu'il va être blanchi de toute accusation. Et puis la Ligue 2 avec la fin de la 10e journée. Sochaux, invaincu depuis le début de la saison, s'est incliné sur la pelouse du Havre. Score final 2-1. Le HAC qui se repositionne à la 5e place du classement, juste devant les Sochaliens. Pas mal. Merci ouais. Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure pour la suite. Il est 6h36. C'est l'heure de nous offrir de l'argent avant les conseils pas chers spéciales coiffure. Ah, magnifique. Magnifique, oui. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est des conneries à la radio. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Et le seul morning qui vous offre 1500 euros toutes les demi-heures, c'est sur Skyrock que ça se passe. Il va falloir répondre Skyrock dans quelques secondes. C'est ce qui est arrivé à Virginie d'Albi, à Léa de La Rochelle. Virginie, d'ailleurs, qui gagnait bientôt hier matin, parce que c'est à 6h30 qu'on l'a eu hier matin, Virginie, là. Ouais, c'est vrai. 1500 euros pour vous et augmentez vos chances de gagner avec le 7-20-20. Vous envoyez 1500 au 7-20-20. Vous inscrivez maintenant, vous appellera peut-être tout à l'heure, on sait jamais. Hein. C'est l'ordi qui fait tirage au sort. Et pour les tirages au sort dans l'univers, c'est notre ami huissier qui s'en occupe. C'est ça. Et j'ai une enveloppe entre les mains que je vais ouvrir d'ici quelques secondes. 1500 euros pour vous. Merci pour les photos de vous au réveil. Eh, c'est mieux quand on a les cheveux courts au réveil. Hein. T'as l'impression que t'es déjà peigné. Par contre, ceux qui ont les cheveux longs, et je voudrais notamment saluer Lucas qui nous a envoyé une photo. Lucas, t'as la tête en biais, on dirait un manga, dis donc. Oh, le pauvre. Non, mais c'est vrai, on dirait un manga au réveil. T'as les cheveux qui poussent de partout. T'as vu tous ces cheveux qu'ils ont, les auditeurs? Putain, vous avez bien de la chance, quoi. C'est dingue, hein. Ouais, moi j'en ai eu à une époque. Hein. Bon, pourquoi tu veux nous parler coiffure? On va le savoir dans un instant avec les conseils pas chers de ce matin et tu vas aller chercher dans les stars coiffées ce matin. Ouais, c'est ça, les stars coiffées avec une couleur de cheveux particulière. Vous feriez quelle couleur si vous faisiez une couleur de cheveux? Moi j'avais orange quand j'étais jeune. Oh, ouais, jeune. Eh bien écoute, heureusement que tu as vieilli, Carriole. Parce que orange ça fait un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Non, mais c'était sympa. Tu te ferais pas les cheveux blonds à mettre en appart? Ah ouais, non, je peux plus, moi. Je peux plus, toi qui as des cheveux, t'as des cheveux encore, Sam. Ouais, hein, moi j'ai eu la houppette blonde parce que c'était la mode et ensuite. La mode, mais où la mode? Chez moi, dans ma ville. Et ah, dans ta ville, très bien. C'est quoi ta ville? Vélizy-Villacoublay. Vélizy-Villacoublay. Eh bien, vous êtes bien représenté. Ah, il y a Ikea là-bas. Ouais. C'est ça, ouais. Et ensuite, pour changer, j'ai eu la houppette rouge. Au Pet Rouge, c'était dans quelle ville ça? Villiers-la-Coublay aussi. Aussi. Et en fait, les gens me prenaient pour une fille. Oui. Ouais. Ouais, écoute. Puis là-bas, les coiffeurs sont en prison. Il y a plus de coiffeurs à Villiers-la-Coublay, Villiers. Si tu connais des gens à Villiers-la-Coublay, ne dis pas que tu travailles à Skyrock. Non, ça surtout va être pas. Mauvais pour notre image. Bon, 1500 euros à gagner, c'est parti. On non, mais moi aussi, j'ai été blonde. Eh ben, écoutez, tout va bien, Karine. T'as pas été blonde? Ah non, jamais moi. Essaye orange comme carriole. Ouais, je vais essayer. Ou vert, je pense, ça peut marcher. Orange et avec des piercings partout. Ouais. Waouh. Bon, les coiffures, on y revient dans un instant. Comment gagner de l'argent grâce aux cheveux et à la teinture, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, on y revient tout de suite. Mais avant ça, 1500 euros à gagner, c'est pour vous, c'est sur Skyrock à 6h38. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? C'est Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show! Ouais, 1500 euros et l'enveloppe est ouverte et elle va nous amener, eh bien, à Paris, la capitale. Les Parisiens, les Parisiennes, c'est pour vous. J'espère en tout cas que ça va tomber maintenant. Nous allons chez le grand Patrick. Autrement dit, Patrick Legrand, 1500 euros à gagner. Dingue, Romano, il y a quelqu'un qui t'en veut dans l'émission parce que le mec s'appelle Legrand, tu es tout petit. T'as un conseil pas cher sur les cheveux. Allô? Monsieur Legrand? Pourquoi j'entends des conneries alors? Ah bah, écoute, il faut les écouter les conneries, dis donc. Bah, bien sûr. C'est pour ça que je les repère. Bien joué, Patrick. Comment tu vas, Patrick, ce matin? Bon, peut-être. Peut-être, d'accord. Première fois qu'on me répond peut-être à comment tu vas. C'est bizarre comme réponse. Bon, Patrick, tu sais qui c'est au téléphone? Non. C'est la radio. Salut, Patrick. Ah oui, peux éventuellement me poser la question, mais comme je suis pas un grand écouteur. Tu n'es pas un grand écouteur de la radio, on va quand même faire le test. Patrick, quel est Testons. Il y a 1500 euros à gagner, au fait, Patrick. Je t'ai pas dit ça, dis donc. Ouais. Eh ben, bien sûr que c'est sûr. J'ai le chèque sous le nez, Patrick. Ici, 1500 euros, Patrick, si tu me dis. C'est quelle radio? Eh ben, justement, si tu me dis quelle est ta radio préférée. Aïe. Alors, Patrick. Pour être levé à cette heure-ci. Ouais. Ou attention, pas. Patrick, quel suspense. Donc j'en sais rien. J'en sais rien. Écoute, je vais te dire, Patrick, c'est Skyrock. Oui, je connais un peu. Ouais. Il faut répondre Skyrock quand on t'appelle, Patrick. Tu aurais gagné 1500 euros. Oui, mais à cette heure-là, je dors encore un peu. Hein. Ouais, bah pas nous. Ça peut arriver. Par exemple, il faut bien qu'il y en ait qui travaillent. Hein. C'est vrai, Patrick. Bien dit. C'est bien. Ça peut arriver à n'importe quel moment entre 6h et 9h dans le morning sur Skyrock, Patrick. Non, bah écoute, c'est pas vraiment des heures auxquelles je suis réveillé parce que les retraités, ça glande. Ah, glandeur. Ah, on paye ta retraite et en plus, tu glandes, Patrick. Bah évidemment. Bon écoute, viens nous rejoindre, on est sur Skyrock 96 FM à Paris. J'irai faire un détour de temps en temps. Eh ben viens nous voir et puis une bonne journée à toi, Patrick. Je vous embrasse. Salut Patrick. Ciao. Salut Patrick. Ciao Patrick. Bye. Et voilà, on a récupéré un retraité. Et hop là, et Patrick. Par contre, on a gardé les 1500 euros et on les remet en jeu dans une demi-heure. 1500 euros si vous répondez Skyrock. Bonne chance d'avance, 6h41. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait. Ah, j'y crois même pas, putain. Des réveils. Ouais, Alonso tout de suite. Alonso et Binta avant les conseils pas chers. Pas chers. Ouais, pas chers. Dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer son boule, c'est de l'eau. Fait trop mal ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les enfants sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Paname, on lui veut la pendaison comme ça. Soleil de minuit, j'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le coût des finances, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes sans tasse, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. C'est le son d'Alonso à 6h44. Bonne journée, bon réveil, on est mardi aujourd'hui. Et le mardi, comme les autres jours de la matinée, aux alentours de 6h40, 6h45, on retrouve les premiers conseils pas chers aujourd'hui. Je suis coiffeur. On parle coiffure. Merci pour les photos que vous nous avez envoyées, les photos au saut du lit. J'aime bien les têtes que vous avez, les filles, les gars. Promis, on les garde pour nous. Salut Mich, qui nous a laissé un message et qui est très très belle, avec des cheveux en l'air. Vous avez tous des têtes de manga quand vous sortez du lit. C'est dingue ça, quand même. Mich. Oui, c'est Mich. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est très mignon. On t'embrasse, Mich. On embrasse toujours les Mich, hein, ça fait toujours plaisir. Les conseils pas chers, c'est l'heure. Allez, vas-y, Romano. Allez, hop, c'est parti. Coiffure. Explique-nous tout. Eh bien, ce matin, je me lance dans la coiffure et dans la décoloration. Oui, oui, parce que tu as vu des stars qui étaient toutes décolorées, toutes blondes. Ah oui, et c'est un peu la tendance du moment. Regardez Donald Trump. Il est blonde. Wow. Magnifique. Messi, oui. S'est fait un nom blonde. Il est blonde. Vladimir Poutine, elle est blonde. Il y a aussi, qui c'est, Gignac. Il est blonde. Didier Deschamps, hier, on l'a vu à la télé. Hallucinant, on a eu un blocage pendant la radio libre hier soir. À un moment, on voit Didier Deschamps sur un gros écran parce qu'on a toutes les chaînes de télé autour de nous. C'est une blonde platine. Il est blonde platine. Didier Deschamps, ah, regardez, ouais, la prochaine conférence de presse de Deschamps, elle a une nouvelle coupure, coiffure swaggée. Et il est toute blonde. Eh ouais, il y a Samir Nasri qui avait été blond. Neymar, Messi sont. Ouais. Et ils essaient de convaincre Suarez de devenir blond, pour le moment il veut pas. Ah oui, parce que c'est le trio MSN. Ouais, c'est ça. Messi, Neymar, Suarez. Et donc dans le trio, il y en a qu'un qui est brun, c'est Suarez. C'est celui qui mord tout le monde, lui. Ouais, c'est ça, avec ses dents là. Et lui, il est énervé, ouais, ça, ouais, il veut rester brune. Oui, sinon il te mord. Il te mord. Attention. Ouais. Ah donc, ouais, Messi, Neymar sont blondes et ils ont voulu que Suarez tanne en blonde. Ouais, donc ce matin, j'ai amené de l'eau oxygénée là pour décolorer les familles. Magnifique. Magnifique. À la route, quoi. Eh bien, c'est parti, on file chez les familles de France. Apple a vendu 1 milliard d'iPhone. Romano, lui, il a déjà carotté les gens 1 milliard de fois. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Et il rit content, vous entendez derrière comme il est content. Je suis coiffeur à domicile. Coiffeur à domicile, c'est parti. Chez Thierry. Chez Thierry, Thierry, on va le blondifier, vous allez voir. Ah ouais, blonde platine. Allô ? Oui, bonjour, c'est la femme à Thierry ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est le coiffeur qui l'a commandé. Coiffeur qui l'a commandé. Pour sa teinture blonde et pour faire la coupe de Donald Trump. C'est quoi ça? Ben Donald Trump, c'est peut-être le futur président des États-Unis. Non, mais c'est une blague ou vous, quoi? Vous savez, c'est le gros monsieur tout dégueulasse du visage avec ses cheveux blonds. Vous savez, il a une tête de porc, il a une espèce de perruque blonde. C'est un porc blond. C'est un porcinet blond, ouais, c'est ça. Il a la couleur d'un porc aussi. Un porcinet, oui, ouais. Un porc, oui. Le problème, c'est qu'il n'est pas le cerveau d'un porc, parce qu'un porc, c'est gentil. Oh, c'est mignon, les porcs. C'est intelligent, les porcs. Mais bien sûr que c'est intelligent. Donald plus Trump. Ouais, bah, Donald Trump, un peu moins. Bon, je crois que l'exemple de Donald Trump, il n'est pas bon. Didier. Peut-être faire baisser. Allô, oui. Oui, bonjour, c'est la femme à Didier. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Jean-Louis David à l'appareil, le coiffeur. Oui. Oui, j'appelais pour votre mari. Il fait une petite réservation sur Internet pour une petite décoloration des cheveux. Ça m'étonnerait, vous rigolez là. Vous pouvez me le passer? Vous pouvez me le passer s'il vous plaît? Non, c'est pas la peine, merci. Ah bah c'est toi, t'es jalouse, tu veux être blonde aussi? Elle est jalouse, va. Jalouse la coquine. La prochaine fois, propose-le également à la femme une décoloration à l'eau oxygénée. Magnifique, y a rien de mieux pour les cheveux, ça fait tomber les cheveux ça. Ouais, bah non mais ça les abîme quoi. Allô? Ah bonjour, comment vas-tu? Ça va toi? Bah ça va nickel. Dis donc, je t'appelais pour ta coiffure blonde. Oui. Je vais venir te faire ta décoloration ce matin à l'eau oxygénée. Et derrière, tu seras comme Donald Trump et Lionel Messi. La classe. Hein? T'es content? Ne sois pas ému, hein. Il est ému. Allô? Non, mais d'accord. Oui. Belle inconnue, je suis chez toi dans 5-10 minutes. Ouais. Je m'occupe de tes cheveux. Je te ferai une raie, tiens. Ouais, magnifique. Fais-lui une raie. Une raie. Puis je te mettrai un bigoudi. Un bigoudi dans la raie. Ouais. Et un petit bigoudi dans la raie, une petite raie. Et pour la coiffure à domicile, je prends seulement 150 euros. C'est tout. C'est tout. C'est tout, tu vois. C'est prix d'amis. Donné. Tu prépares la monnaie, je suis là dans 10 minutes. Ouais. Et n'oublie pas, il prend également un pourboire à la fin. Hein. Ah, bah bien sûr. Hein. Ah, bien sûr. Ah, bah c'est la moindre des choses. Bon, bah je te dis à tout de suite, belle inconnue. Salut beauté. Salut beau mâle blond. Beau mâle blond, bientôt tu ressembleras à Messi, Neymar. Nombre de footballeurs qui sont en blonde. Ah ouais, il y en a un paquet. Gignac, Marquinhos, Samir Nasri, Pogba, Fernando Torres, Balotelli, c'est en blonde. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Griezmann, James Rodriguez. James Rodriguez. Exactement. Et Didier Deschamps. Ah, je suis blonde de platine. Eh oui, Didier Deschamps qui ressemble à mannequin maintenant, magnifique. Ah ouais, j'ai fait la Fashion Week. Bon, on va parler là, tu fais la Fashion Week. La Fashion Week. J'arrive pas à le dire. Fais attention à la Fashion Week, c'est dangereux, demande à Kim Kardashian. Ouais, fais gaffe. Ouais. Bon, on en reparlera dans les infos de Kim Kardashian d'ailleurs, d'ici un petit quart d'heure, même pas, 10 minutes à quart d'heure. Et on a le sondage du morning qui arrive tous les matins. Votre sondage, on découvre un peu mieux les Français. Ce matin, nous allons parler des Français et de l'onanisme. Est-ce que tu sais ce que c'est l'onanisme, Karim? C'est un club de foot. Un club de foot, l'onanisme. Et non, tu confonds avec l'OGC Nice. Ouais, t'es pas loin. Oui, l'onanisme, c'est quand on se fait plaisir tout seul avec sa main. Ok. La masturbation, quoi. Exactement. Ouais. Les Français et l'onanisme. Sondage est tombé. Il est pour vous, il est pour nous. On va voir si les Français se font plaisir tout seuls et si les Françaises se font plaisir toutes seules. Absolument. Oui. Monsieur Mignon, tout pour ça. Allez, on s'en occupe avant 7h et dans une minute, l'horoscope de l'amour arrive sur Skyrock. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron? Bon, alors cette foire au poisson Lidl? Eh ben, elle va vous emboucher un coin, hein. Dès demain, les moules de bouchot IGP Origine France et sont à 4,99€ la barquette d'1,4 kg. 4,99€ les moules de bouchot chez Lidl? Moins de 5€? C'est ça, oui. Ah, vous êtes vraiment bouché, patron. Hein. Ça nous fait du 3,56€ le kilo. Et là, sûr qu'ils vont déplacer les foules avec ces moules. Là, tu me saoules. Hein. On est vraiment mal. Oh, très moule, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au samedi 8 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Le mois de l'automobile chez Midas, c'est moins 25% sur le kit courroie de distribution jusqu'au 29 octobre. C'est bien. Mais moi, j'ai besoin de plaquettes de frein. Chez Midas, c'est aussi moins 25% sur les plaquettes de frein. Ah, mieux. Mais moi, en fait, c'est plutôt les amortisseurs. Moins 25% aussi sur les amortisseurs. Uh-huh. Et sur l'embrayage? Moins 25%. Alors? Alors là, vous pouviez pas faire mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur Midas.fr. Et l'horoscope sur Skyrock, que l'horoscope de ce mardi. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et les 12 signes et leur puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. C'est parti avec les lions et les verseaux. Ah merde, vous avez 0 aujourd'hui. Quelques conseils pour vous. Célibataire, ne cherchez pas absolument une histoire sérieuse. Procédez par étapes et laissez-vous du temps, autrement vous risquez de rien trouver. Et pour les couples, lions et verseaux, évitez de critiquer la famille ou les amis de votre partenaire et tout se passera bien comme ça. 1 sur 5, les gémeaux et les vierges, ne vous prenez pas la tête pour que tout soit parfait sur le plan sentimental. Restez cool aujourd'hui, laissez faire les choses. 2 sur 5, les cancers et les balances, quelques concessions à faire aujourd'hui, mais vous verrez qu'au bout du compte, ce sera bénéfique pour vous et bénéfique pour vos amours, les cancers et les balances. 3 sur 5, les béliers et les taureaux, vous saurez faire comprendre vos sentiments tout en finesse aujourd'hui. C'est bien, finesse pour les béliers et les taureaux à 3. 4 sur 5, encore mieux pour les sagittaires et les capricornes, magnifique. Ouais. Mmh. Quel beau couple on fait, Cariole. C'est notre sincérité qui sera récompensée aujourd'hui. Et 5 sur 5, les poissons et les scorpions, eh ben pour vous c'est simple, succès de A à Z. Ah. En ce mardi, on ne verra que vous, 5 sur 5, bravo à vous, bonne journée. Et dans un instant, les Français se font-ils plaisir? Absolument, ouais. Absolument, sondage du morning. Il arrive après Justin Timberlake et Can't Stop the Feeling. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et oui, c'est nous. Et c'est Justin qui vient nous réveiller ce matin. Du gros son pour se réveiller, ça fait du bien. Et une petite branlette dans un instant, allez. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off of my city, off of my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When just imagine. You, when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Feeling, Justin Timberlake sur Skyrock à 6h55. On va vous offrir encore 1500 euros dans 5 minutes là. C'est parti avec les infos, les 1500 euros juste derrière. Mais avant ça, le sondage du morning, un sondage sur notre plaisir ce matin. Absolument, oui. Oui. Le sondage du morning de Diffoul sur Skyrock. Et oui, tous les matins on découvre les Français, on se découvre nous-mêmes, ce qui est quand même magnifique. Karim aura appris un mot nouveau ce matin, c'est onanisme. Onanisme synonyme de masturbation. Exactement. C'est ça. Masturbation. Eh oui, il n'y a pas de mal à se faire du bien comme on disait. Là j'ai eu plein de messages qui disaient ça là sur le 41759. Vous réagissez à n'importe quel moment du morning, merci pour vos messages. Mais j'ai pour vous ce matin, et vous pourrez en parler à vos amis, le sondage du jour. Mmh. Quel est le pourcentage des hommes et le pourcentage des femmes qui se font plaisir régulièrement, tout seul. Eh bien je vais vous le donner. Pour les femmes, c'est 81%. Bravo, ah, c'est bien. Les filles. Ah ouais. Bravo, bravo. Vous avez deux mains, vous savez vous en servir. Bien joué. Même si vous n'en avez qu'une d'ailleurs. Et oui, même si vous n'en avez qu'une, vous avez quand même le. Ça marche quand même. Et puis au pire, il y a des pieds. Ouais, c'est exactement. Vrai. Et sinon, alors pour les hommes, 81% pour les femmes. Pour les hommes, c'est combien d'après vous? Plus, ah, plus 100%. On vous a battu 100% et non. Ah, il y a peut-être ceux qui n'ont pas de mains qui ne peuvent pas. Comme on disait. 95% des hommes. Ah bah ouais, c'est ce que j'ai 95% dit. Des hommes. Énorme. Même les mariés, tout ça, tout le monde est compris dedans. Même les retraités, il y a tout le monde là-dedans. C'est pas beau, ça. Magnifique. Ah, magnifique. Ça fait plaisir. Plus t'es célibataire, plus tu le fais. Hein. Et c'est une moyenne de 15 par mois. Ah. Pour le plaisir solitaire pour un homme. C'est beaucoup, je trouve. Bah, pour une femme, une c'est fois que tous 8. Les deux jours. Une fois tous les deux jours et une femme, c'est une fois tous les 4 jours. C'est ça, à peu près. Ouais. Et ouais, mais ne vous privez pas, les filles. Et pour les célibataires, c'est un peu plus. Au lieu de 15 par mois, c'est 16 par mois, mais juste un tout petit peu plus. Ah, hein. Bah voilà, oui. Et les motifs, c'est pour se soulager, pour le plaisir, pour se relaxer, pour s'endormir. Ah ouais, il y en a quand même 13% qui disent pour améliorer leur performance. Ah ouais, genre, c'est un entraînement, quoi. Vous vous entraînez, c'est du training. Ouais, c'est ça. Hop, en fait. Allez, entraînement branlette. Eh bien, on aura découvert ce matin que les Français se font plaisir et c'est bien bon. Ah oui.

Et voilà pour se réveiller à 7h02 sur Skyrock. C'était Ken Jones et Don't Mind. Bonne journée à vous, bon réveil avec Skyrock. Et vous êtes bien réveillés, regardez si le téléphone est réveillé aussi à côté de vous là. Vous risquez d'en avoir besoin dans un instant. On a 1 500 € à vous offrir. Et il faut nous répondre Skyrock. Exactement, on vous appelle, vous répondez Skyrock. Et vous avez 1 500 € pour vous. On va parler de l'affaire Kardashian évidemment. Vous en avez entendu parler hier matin dans le morning. C'était une des infos du morning. Dès 6h on était au courant. Elle s'est fait saucissonner. Oui. Putain, mais ils avaient combien de mètres de cordes? Je pense beaucoup. C'est toute une organisation. Ah, les mecs sont arrivés avec, tu sais, les gros rouleaux là que tu vois au bord de l'autoroute quand ils tirent des câbles. Tu nous en reparles, Rémi, de Kim Kardashian. Et puis on aura Soprano aussi qui viendra nous voir. Allô? Allô, oui, Sopra. Bonjour. Salut, Sopra. Pour le réveil de Star, Soprano, et oui, il sera avec nous. Soprambaba. C'est ça, Soprambaba, c'est lui qui va réveiller les familles de France à 7h10, réveil de Star, à 7h20 tout à l'heure. On jouera à Info ou Mytho, à de bonnes infos toujours d'Info ou Mytho. On verra ça et puis on vous offrira votre iPhone 7. Mais d'abord les infos, allez, c'est parti. 1 500 € à gagner juste après Rémi. Et la météo pour démarrer les infos. Il fera beau encore aujourd'hui, c'est bien. Ouais, belle journée, un petit peu comme celle d'hier d'ailleurs. On a un petit peu de nuages ce matin, c'est vrai. Des Ardennes jusqu'à la Bretagne, rien de bien méchant. Pas d'inquiétude, ça va se lever dans les prochaines heures. Les températures de 5 degrés dans le nord-ouest jusqu'à 15 en PACA ce matin et dans les Pyrénées orientales. Ce sera 12 cet après-midi, de 17 à 23 en moyenne, entre 25 et 29 dans le sud. Et puis la pollution, ça reste nickel, les indices compris entre 2 et 4, sauf dans le nord où ça monte à 5 sur Lille, Valenciennes et Dunkerque. Et le tour de l'actu pour tout savoir, c'est maintenant, c'est sur Sky. Et l'agression de Kim Kardashian qui continue de faire les gros titres. Ce matin, la star américaine a été accueillie comme une chef d'État hier à son retour sur le sol américain. Une douzaine de voitures et de nombreux agents de sécurité l'ont escortée jusqu'à New York. C'est Kanye West qui est venu la chercher en France hier. Alors quand il a pris l'agression pendant un concert, il a sauté dans son jet privé pour la récupérer à Paris. Pour l'instant, elle n'a rien posté sur les réseaux sociaux. Apparemment, c'est un styliste caché dans l'hôtel particulier qui a donné l'alerte. Kim Kardashian aurait déclaré aux enquêteurs avoir pensé que ses agresseurs allaient la violer. Son garde du corps n'était pas présent car il était en boîte avec deux de ses sœurs. Quoi qu'il en soit, cela n'arrange pas les affaires de Paris, dont le tourisme était déjà en berne à cause des attentats. En revanche, la ville est plus réservée aux États-Unis où la presse estime que oui, c'est un fait malheureux, c'est vrai, un fait divers, mais que la star étalait beaucoup trop sa vie et sa richesse à longueur d'heure sur les réseaux sociaux et que forcément un jour, ça allait attiser les convoitises. Autre crise sur la table du gouvernement, celle des céréaliers, les intempéries et le printemps pluvieux ont provoqué une baisse des rendements comme jamais vu. La production a chuté de 30% alors que la France est le premier exportateur de blé en Europe. J'allais dire explorateur, non, exportateur. Et on exporte du blé, ok, c'est mieux. Un plan d'aide sera annoncé aujourd'hui par Manuel Valls. Les filières d'élevage devraient aussi être concernées. 6 mois de prison ferme pour un élu du Front National, Philippe Vardon, conseiller régional en PACA, a été condamné par le tribunal de Draguignan. Les faits remontent au soir du deuxième tour des municipales. L'ancien leader identitaire niçois s'était battu avec 3 jeunes à Fréjus qui l'accusent d'avoir tenu des propos racistes. Le principal intéressé va faire appel. François Hollande qui exprime sa gratitude après la libération de Noura Nouas. La franco-tunisienne était retenue en otage depuis décembre. Elle avait été enlevée au Yémen alors qu'elle se trouvait dans un véhicule de la Croix-Rouge. On parle sport maintenant avec un nouveau chez les Bleus. On vous offrira des places d'ailleurs demain pour aller voir les Bleus dès demain matin à 8h05. Ça sera gagné. Puis on parlera un peu de basket aussi. Ouais, le joueur du PSG, Presnel Kimpembe, va découvrir les joies de Clairefontaine. Il a été appelé par Didier Deschamps pour remplacer Liam Mangala, blessé avec son club Valence. Les Bleus se replongent dès cette fin de semaine dans les éliminatoires du Mondial 2018. Bien sûr, on va suivre ça de très très près. Ce sera vendredi contre la Bulgarie et puis lundi face aux Pays-Bas. Du basket et l'épilogue de la deuxième journée de Pro A. Match très relevé hier entre Gravelines Dunkerque et le Paris-Levallois. Avantage pour les nordistes qui s'imposent 81 à 79 face aux franciliens. Au classement, c'est Nanterre qui domine les débats devant Monaco et Antibes. Merci. Ah, mon micro. Merci Rémi pour les infos. C'est magique un micro, vous avez vu, j'ai plus de voix, il suffit de l'éteindre. Hop, il suffit de l'allumer et hop, ça remarche. Et hop, là, ça remarche. On t'en retrouve dans une demi-heure tout à l'heure pour la suite. Il est 7h06 sur Sky, c'est l'heure de vous offrir 1 500 € en direct, évidemment. 1 500 € toutes les demi-heures. Facile, il suffit de répondre Skyrock et Skyrock, baby. C'est ça, baby, vous pouvez l'enlever, mais ça marche aussi. Hein. Et c'est 1 500 € dans la poche. Dans le morning de Difool, ils ont tous un secret. Sauras-tu les reconnaître? Il peut sentir les odeurs à plus de 1000 km. Il perd ses cheveux chaque fois qu'il reçoit une facture. Il fait l'amour en moins de 3 secondes. Représentez précoce. Elle est amoureuse de son chien. Alors, vous les avez reconnus? 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Oh, j'ai reconnu tout le monde sauf le type du début avec le nez. Mais bon, je vais réfléchir. C'est toi. Mais oui, c'est toi. C'est qui toi? Mais toi, Difool. Ah oui. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Oh, je sens Jackie et Michel qui viennent avant 8h. Oui, Jackie et Michel dans les conseils pas chers. Ah, j'ai des news de Jackie et Michel dans les conseils pas chers. Ah, il y a du nouveau, le business se diversifie. Très bien, donc ce sera à 7h40 pour les conseils pas chers. Un nouvel horaire depuis la rentrée, 7h40. Conseils pas chers et Jackie et Michel avant ça à 7h20. Info Mytho, je vous l'ai dit. Le réveil de star avec Soprano ce matin. Ah bien, cousin. Ah bien, cousin. C'est Soprano qui vient réveiller les familles de France. C'est pour vous, c'est sur Skyrock et les 1 500 €, c'est tout de suite. Hein, on perd pas de temps. Hein, 1 500 € à gagner. On y va. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Et elles sont deux à avoir gagné hier matin leur chèque de 1 500 €. Eh bien, ce sera peut-être pour vous ce matin. 1 500 € à choper. On dit bravo à Virginie d'Albi, à Léa de La Rochelle. Elles ont gagné leur 1 500 €. Maintenant, ouais, c'est à vous. C'est Romano qui a l'enveloppe. Vas-y, ouvre-moi tout ça, Romano. Mais non, mais elle est où l'enveloppe? Elle est où l'enveloppe? Il fait style, je l'ai perdue. Regarde, elle est là dans ta poche. Petit gros. Petit gredin. Petit chenapan. Ah, mais elle est là, oui. Oui, c'est ça. Oh, j'ai perdu le chèque. Tiens, donnez-moi un autre. Bien joué, Diffoul, on l'a retrouvé. Alors, nous allons à Lyon dans le 69. Ah, dans le 69 à Lyon. L'émission est chaude. Hein. Ouais. Et avant Jackie et Michel, un petit 69. Et là, c'est Béram Jégage. Eh bien, nous filons chez les Jégage ou les Béram. C'est quoi le prénom d'ailleurs? Béram ou Jégage? Béram, je dirais. Je absolument pas. Moi, je dirais Béram aussi. Je mise sur Béram. C'est turc, ça, non? Béram. Bonjour, monsieur. Béram Jégage. Bonjour, monsieur Jégage. Oui, bonjour. Oui. Donc, votre prénom, c'est bien Béram, vous? Oui, c'est ça, Béram. Oui. Ça va, t'es turc? Non. C'est quoi, Béram? Kosovar. Kosovar. Salut le Kosovo, big up à toi. Bon, nous, c'est la radio, en fait, parce que maintenant que tu t'es présenté, on se présente aussi, c'est la radio et on t'appelle pour t'offrir 1 500 €, Béram. Oui. Il faut répondre à une question. Si t'as la bonne réponse, tu repars avec ton chèque. Il faut me dire, Béram, écoute bien, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Ah, bien, cousin. C'est gagné. Bravo. Ouais, Béram. Et voilà. Vive 1 500 €. Vive Lyon. Vive Béram. Et bravo pour tes 1 500 €, Béram. C'est gagné ce matin sur Sky. Oui, merci. Eh ben de rien, Béram, tu te champion réveilles. Champion mon frère, ouais. Tu te réveilles ce matin? Oui, mais je sens pour aller au travail. Eh ben, tu es prêt pour aller au travail. Eh ben, avant de partir au travail, juste en te réveillant et juste en répondant Skyrock, tu as gagné 1 500 €, Béram. C'est bien. Bien joué. C'est bien. Ben, merci beaucoup. Ben, de rien, Béram. Bravo à toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes 1 500 €? T'as une petite idée déjà? Je sais pas encore. Ouais, c'est vrai que ça te tombe dessus comme ça au réveil. J'entends rire une femme. Ouais, je viens juste de me réveiller. On est en train d'écouter les radios avec mon ami. Je dis pourquoi il ne nous appelle pas. Eh ben, si on tape, tu vois, ça y est. Bien joué, Béram. Bon, ben, merci. Comment on dit au revoir en kosovar, histoire qu'on apprenne un truc ce matin? Ah, c'est un belon. Hein. Ah, vas-y, c'est pas grave. Dites un ami. Dites les miens. Eh bien, je te dis, dites les miens et ne raccroche pas, Béram. Dites les miens. Dites les miens à toi. Et puis, bonne journée. Merci. Et on t'envoie vite le chèque de 1 500 €. Prends tes coordonnées. On t'envoie ça à la maison à Lyon. Salut, Béram. Bien joué, Béram. Ciao. Ciao. Oui, dites Béram. Et dans une demi-heure, on recommence. Vous avez vu, c'est facile. Hein. Vous pouvez y répondre. Skyrock en kosovar, en n'importe quelle langue, ça marche. 1 500 € à 7h30 pour le prochain rendez-vous. Ouais. Et inscrivez-vous sur le 72020. Ça peut marcher. Hein. Ouais. Vous envoyez 1 500 au 72020 à n'importe quel moment du jour et de la nuit. On vous tire au sort. Vous répondez Sky et c'est dans la poche. Le morning de Diffoul. Oui, qu'est-ce qu'il fait? 6h-9h sur Skyrock. Ça va plus la tête, hein? Ça va bien. Et dans un instant, ça ira encore mieux. On a le réveil de star avec Soprano. Il arrive. Soprano après Justin Bieber et DJ Snake. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. Give up, no, no. Justin Bieber et DJ Snake, Let Me Love You. Et dans un instant, c'est Drake qu'on va retrouver avec Hotline Bling, juste après notre réveil de star. Et ce matin, pour le réveil de star, c'est Soprano qui s'y colle. Soprano qui va réveiller les familles Soprano de France. Soprano Baba. Exactement, Soprano Baba qui est avec nous. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien aujourd'hui, Soprano. Ah oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Allez, on y va, on passe un petit coup de fil ce matin. On est en train de foutre le bordel. Eh ben, c'est parti, on y va. Allez. Les stars réveillent la France. Veuillez décliner votre identité. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Tout à l'heure, on a eu droit à un premier réveil de stars avec Soprano. Ça s'est très mal passé avec la famille. Ah oui. Ouais, ils connaissaient pas. Ouais. Ils connaissaient pas, très mal passé. On va voir si c'est mieux chez Gérard. Gérard est peut-être fan de Soprano. Mais on sait pas. Eh bien oui, on va lui faire ce plaisir. Ah Gérard. Coup de fil de Gérard et Soprano. C'est parti tout de suite. Vas-y dans Gérard, fais-nous rêver. Allez GG. Déjà t'as un prénom qui fait rêver déjà. C'est GG. On va voir ce que ça a donné. On a réveillé Gégé avec Soprano. Ah, Gérard. Soprano tourné avec Skyrock dans toute la France. Allô. Ouais. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment tu te sens aujourd'hui? Mais c'est qui? C'est Soprano. Connais pas. Connais pas. Soprano Baba, tu connais déjà que je viens de Massilia. Oh, je vois pas. Hein. Je suis en train de chercher, mais je vois pas. Il voit pas. Ce serait pour un renseignement, s'il vous plaît. Bah, demande toujours. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais une femme pendant une journée? Ah. Mais qu'est-ce que c'est cette connerie, là? On est en train de foutre le bordel. Non, non, non, c'est une connerie. Bah écoute, j'ai pas de temps à perdre, excuse-moi, au revoir. Oh bah, c'est un peu court, ce Gérard. Bah, Gérard. Alors, tu veux qu'on le refasse, Sopra? Il a dit, tu veux que je refasse, hein, Sopra? On rappelle Gérard. Eh bien, on rappelle Gérard à la demande de Soprano. En plus, il a une voix si sensuelle. C'est vrai, les filles, c'est pour vous, on vous dédicace la voix la plus sensuelle du morning. Merci. C'est GG, c'est Gérard. Gérard et sa belle voix. Eh oui, Gérard et Soprano. Allô. Qu'est-ce que c'est de connerie, là, que tu m'as dit tout à l'heure, là? Tranquille, oh. Tu m'as énervé avec ta question à la con, là. T'inquiète pas, j'ai des principes et un honneur. Ah ouais, ouais, bon, alors qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre? Ce serait pour un renseignement, s'il vous plaît. Oui. Alors, pose pas une question à la con que tu m'as posé tout à l'heure, parce que je t'en voici. Ah ouais? Ah oui. As-tu un talent caché? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Avec qui tu voudrais partir dans une partouze? Oh. Oh putain, quelle est cette connerie? Mais quelle est cette connerie? Non mais attends, mais t'as fini? Bon, on n'en rappelle plus, sinon j'appelle les flics. Oh putain! Oh là. Non, tu m'appelles plus. C'est fini. Tu ne m'appelles plus. On s'en fout. T'occupe pas, tu vas attendre de parler de moi, tu me connais pas, tu vas voir, attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Ah, ouais, bien, cousin. Eh, à la bien, à la bien. Et Soprano est content. Eh ben, nous aussi. Eh, Soprano s'est fait un nouveau copain ce matin. Soprano, ouais. Si tu nous écoutes, eh bien, on te présentera Gérard, on a son numéro. C'est Gérard, faut pas lui poser des questions. Si t'étais une femme une journée, tout ça, ça l'énerve. Ça l'énerve. J'aime pas les questions à la con. Ouais, j'aime pas les questions à la con. C'était Gérard dans le réveil de star. Et une question, c'est pas une question à la con qu'on va vous poser dans un instant, c'est info ou mytho. On va parler d'un milliardaire parisien dans info ou mytho. On parlera de ça. Toi, tu parleras d'un fou de la route, Romano. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, bah, le reste à découvrir. Info ou mytho. Et votre iPhone 7 à gagner, c'est évidemment sur Skype. Rock, juste après Drake et Hotline Bling. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Night when you need my love, and I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You made me feel like I did you wrong, going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport, hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean thing. Ever since I left the city. Hotline Bling sur Skyrock, le son de Sky et le son de Drake pour se réveiller ce matin. Pitbull, Florida arrive. Soprano, on l'a écouté en réveil de Star, on l'écoutera aussi avant 9h. C'est bien ça. Et peut-être même avant 8h. Tiens, allez, avant 8h, on se met un petit Soprano du designer aussi à écouter. Le nouveau The Weeknd avec les Daft Punk. Bref, il y a du gros son, mais aussi du gros cadeau ce matin. On vous offre le magnifique téléphone. L'iPhone 7 qui coûte bien cher mais qui est gratuit sur Skyrock. Un conseil, gagnez-le sur Sky. Ça vous fera un trou de moins dans les... Ouais, dans c'est les pas mal, ouais. À gagner donc l'iPhone 7 et on joue à Info ou Mytho. Comme tous les matins, voici la question de sélection pour jouer avec nous. Une question de sélection qui va vous permettre de vous qualifier. Évidemment, les messages, vous les laissez. Je dis ça pour les nouveaux parce qu'autrement, si je donne le numéro à la fin, vous n'avez pas. Le 41-759. Vous êtes nouveau, notez bien ce numéro. Il peut vous servir tous les matins dans le morning sur Sky. 41-759 et l'appli Skyrock peut vous servir aussi. C'est gratuit, c'est pas cher. Vous avez un animal de compagnie chez vous? Oui. Oui. Un grand chien. Est-ce que, Cariole, tu serais prêt à investir pratiquement ta fortune pour faire plaisir à ton chien? Oui. Complètement. Hein, chien. Oui. Fais très attention, Cariole a des problèmes psychologiques. Hein. Non, mais je sais, attention. En ce moment, je lui achète des jouets très régulièrement parce qu'il joue beaucoup. Il joue beaucoup, oui. Donc, je change ses jouets. Ouais, c'est bien. Ouais, il a 10 ballons. Oui, c'est ça. 10 ballons, il a un panier plein. Les Queen Queen qui font du bruit, il aime bien. Les Queen Queen qui font du bruit. C'est des genre les trucs qui font. Les trucs qui font Queen Queen. Est-ce que ça te met à bout de nerfs, Romano, quand il fait Queen Queen avec des bruits? Avec ouais, des objets. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, il les défonce en 2-2, donc ça fait Queen Queen 5 minutes, et puis après, ça fait plus jamais Queen Queen. C'est pour ça qu'ailleurs, on en achète d'autres. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je vous parle de ça. Si vous avez un hamster à la maison, ça peut vous concerner. Imaginez, vous êtes milliardaire, vous avez un hamster. Mm-hmm. Vous voulez faire plaisir à votre hamster. Et bien, c'est ce qu'a fait un milliardaire français, milliardaire parisien, qui a acheté toutes les places de la grande roue, place de la Concorde. C'est une grande roue qui est en bas des Champs-Élysées. Et pour que ce bah, il a bien fait de les acheter, il y est plus. Oui, mais il a acheté toutes les places de la grande roue, place de la Concorde, pour que son hamster puisse jouer dedans. Ah, bah c'est gentil. Il est gentil comme tout. Un peu con, mais gentil. Il est con, mais bien riche. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est une info, ce que je viens de vous raconter, ou est-ce que c'est un mytho? Je vous donne le top officiel pour laisser vos réponses. Vous envoyez donc info avec votre numéro, mytho avec votre numéro, et vous nous dites si un parisien milliardaire a acheté toutes les places de la grande roue, place de la Concorde, pour que son hamster puisse jouer dedans. C'est bien connu, les hamsters adorent jouer dans des roues. Ouais, c'est vrai, ils adorent. Hein. Ça lui fait plaisir. Un peu grande, peut-être pour lui, ça. Hamster, il a privatisé la roue. Info ou mytho? Vous laissez vite vos réponses, et puis dans un instant, vous retrouvez en direct avec nous. Et vous jouerez pour gagner l'iPhone 7. Il faut d'abord se qualifier. Allez-y, ouais. Bonne chance à vous. Il est 7h23. On est sur Skyrock, c'est Info Mytho. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? T'es chez Lidl? Chez Lidl sur mer, oui. Dès demain, c'est la foire aux poissons ici. Et les filets de cabillaud, ils nous les font à 11,99€ la barquette d'un kilo. Quoi? 11,99€ le kilo de filets de cabillaud chez Lidl? On a vraiment pas de peau. Comme les filets de cabillaud, hein. Sans arête et sans peau. À moins de 12€ le kilo, je pourrais en embarquer quelques barquettes, patron, non? Arrête, oui, parce que là, ça me reste au travers de la gorge, hein. Oui, là, ça fait mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. alimentaire. Offre valable jusqu'au samedi 8 octobre, pêchez en Atlantique Nord-Est. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Travis Scott, le prodige du rap US. Découvrez son nouvel album featuring Kendrick Lamar, Kid Cudi, The Weeknd. Inclus Pick Up The Phone featuring Young Thug. Album déjà disponible. Assieds-toi, maman, je m'occupe de Oula, tout. Attention, mon chéri, ce couteau coupe très fort. Oui, maman. Et lave bien la salade, hein, mon choubiglou. Maman. Attention à ne pas brûler les trésors. Maman, je suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Si j'ai pu m'offrir ma cuisine Ikea, je peux aussi l'utiliser tout seul. Il y a des choses que l'on aimerait ne jamais voir grandir. Chez Ikea, les prix restent petits toute l'année. Venez vite découvrir toutes nos cuisines à bas prix dans votre magasin Ikea. La nouvelle cuisine Calarpe bleu turquoise est à seulement 379 euros. Ikea. Niska. Après le tube Mustapha Jefferson, découvrez le nouveau single de Niska, Elle avait son Joe, featuring Maître Gims. Niska, son premier album, Zifukoro, toujours disponible. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. La Redoute présente le Boost Mode. Les températures diminuent, mais pas question d'hiberner. Manteau tout chaud, doudoune light, boots tendance, La Redoute équipe toute la famille à prix tout doux. Jusqu'au 12 octobre, bénéficiez de 20 euros de réduction tous les 50 euros d'achat sur toute la mode, y compris les grandes marques. Et en ce moment, la livraison est offerte en relais colis sans minimum d'achat et les retours sont gratuits. Voir conditions sur laredoute.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France continuent. Ne cherchez plus, l'huile d'olive la moins chère de France est chez Intermarché. L'huile d'olive Puget d'un litre 5 est à 8,85€ avec 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité, règlement et magasins participants sur intermarché.com du 4 au 9 octobre, soit 5,90€ le litre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Hey, à la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures, des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors, ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IRD, entreprise régie par le Code des Assurances. 7h26 sur Skyrock. Ah, la réponse à Info ou Mytho, tout de suite, on va accueillir Léo qui est au téléphone avec nous là. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et en direct dans toute la France et en direct du 03, Léo. Salut Léo. Salut Léo. Salut Léo. Non mais tu as raison de te dire bonjour à toi-même. Hein. C'est vrai, c'est pas mal. Donc Léo, 17 ans dans le 03, t'es où dans le 03? À QC, très bien. Ouais. Dans l'Allier. Eh bien, Carriole, elle, c'est plutôt cul sec, hein, son truc. Hein. Chacun son truc. Alors, je vous parlais d'un milliardaire, parisien qui a acheté toutes les places de la grande rue Place de la Concorde pour que son hamster puisse jouer dedans. Mmh. Alors, il est très gentil, mais existe-t-il vraiment? Est-ce une info ou un mytho, le milliardaire qui a acheté la roue? J'ai dit mytho. Eh bien, tu as eu raison, c'est un mytho. Non, c'est juste une petite info qu'on voulait vous donner. Vous restez bloqué 3 heures. Dans une grande roue, c'est ce qui s'est passé à Londres. Comment vous réagissez? Ah oui, j'ai vu, ouais, les gens ils sont restés en galère. 3 heures bloqués dans une grande roue, t'imagines, t'es en haut. Ça rend fou, ouais. Ah, ça rend fou. Hein. Ça dépend qui t'a accompagné, quoi. C'est vrai aussi. Non, mais le pire, c'est avec des gens et puis qu'il y a quelqu'un qui panique à l'intérieur. Quelqu'un qui se met à hurler, ouais. Bah, il faut le sortir. Hein. Donc, pas de roue pour le hamster, par contre, 3 heures de rab pour des touristes suspendus dans la grande roue de Londres. Magnifique. Attends, ils en ont eu pour leur pognon. Bon, bien joué. Léo, t'es qualifié, tu vas jouer maintenant avec d'un côté Carriole, de l'autre Romano. Attention, il y a un mytho parmi les deux, à toi de le découvrir. Ouais. Voici les infos d'info ou mytho. Info ou mytho. Qui dit vrai, qui dit faux. À toi de détecter le mytho. Et on commence par Romano. On va aller faire un tour du côté de Toulouse, exactement à Portet-sur-Garonne. C'est juste à côté. Et là-bas, il y a un problème depuis 3 ans. 3 ans que ça dure, hein, le cinéma. Oui. La chaussée est régulièrement recouverte de clous. Les pneus crevés se comptent par centaines et le préjudice est estimé à 40 000 euros. Il y a même une habitante qui témoigne. Alors elle a un peu cucu la praline. Elle a crevé sa bagnole 38 fois. Ah oui, quand même. Mais qu'elle se balade avec un aimant. Ouais, non mais ouais, qu'elle fasse quelque chose. Ah, ouais. Tu mets un aimant sur l'avant de ta voiture, ça aspire tous les clous. Bon, a priori, c'est sur une portion de 100 mètres. Ouais. 100 mètres, il y a des clous de répandus et bon, les gens se font avoir. Et à quoi? Il y a une plantation de cloutiers. Non, mais a priori, il y a un dingue. Ah, c'est plus un dingue. Qui vient répandre des clous et attention parce que dans le quartier, ils sont malins. Ils ont organisé un service de surveillance de nuit. C'est-à-dire que les habitants se relaient pour ramasser les clous et surveiller. Bon, c'est 3 ans que ça dure leur cirque. 3 ans. Ils n'ont toujours pas trouvé le mec. Hein. Donc 3 ans de clous sur la route. Léo, c'est l'info de Romano. Info ou mytho, ouais. Ou le mytho d'ailleurs. Cariole. Moi, c'est un homme en Angleterre qui a eu des problèmes d'érection. Ah, ah. Et comme il n'arrivait pas à rentrer dans la file. Vous avez vu qu'on est là tous. Ah. Direction, on est tous là. Ah. Et il a mis discrètement une saucisse à la place de son pénis. Oh, pour faire croire qu'il bandait. Exactement. Et la femme, elle a porté plainte. Oh, oh bah alors attends. Oh, elle récupère une saucisse gratuite. Oh la vilaine. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Léo, Cariole ou Romano? Ah, c'est dur. C'est dur, l'érection, pas trop. Hein. Bah, c'est plus la saucisse qui était dure. Alors. Je vais te dire Romano info. Oui. Cariole mytho. Oui. J'aurais dit comme toi. Et attention. Ouais. C'est gagné. Oh là là, Léo. On a gagné l'iPhone 7, Léo. Bravo. Super génial, merci. Ah, tu me l'envoies, Romano, mon iPhone 7. J'ai trouvé la réponse. Ah non, c'est Léo qui gagne, là. Oh, allez, ouais. Allez. Ah bah attends, ça coûte cher, hein. À chacun. Ouais, ça coûte cher, hein. Bon, allez. Non. Bon, Léo, on te l'envoie quand même, alors, hein. C'est parti. Merci. Un iPhone 7 que tu viens de gagner. Merci à vous qui avez tous joué. Vous pourrez rejouer tout à l'heure à 8h20. Ce sera l'invité mystère à 8h20. Ouais. Léo, ouais. L'iPhone 7 arrive directement à Cusset dans l'Allier. C'est à la maison. C'est parti. Et la prochaine, super, fois, merci. La prochaine fois que tu nous passes un coup de fil, c'est avec ton iPhone. Tu vas bosser ce matin? Tu fais quoi, Léo? Oui, je vais bosser. Je suis en apprentissage. Eh ben, bon apprentissage en quoi? Menuisier. Eh ben, bonne menuiserie ce matin. Fais des beaux meubles. Ouais. Fais des beaux meubles. Salut les collègues. Et bonne journée. Et bel iPhone, Léo. Bravo à toi. Merci. Ciao, salut. Léo. Salut. Salut. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Green light. Everybody take a shot. Green light. Green light. Speedball Forever. 1500 euros dans un instant. Et vos infos avec Rémi juste après. Green light. Flow rider and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. And you know what that means, that we can do anything, anything that you dream. I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. I let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Pitbull et Florida sur Skyrock, c'était Green Light. Dans un instant, on a le son d'Alonso, non, de Soprano qui arrive. Alonso, on l'a écouté tout à l'heure. Soprano. En feu, Sopra, Designer avec Panda, et puis The Weeknd et Daft Punk, écouté avant 8h du matin. On aura notre winner ou notre loser du jour, ce sera 8h-5. Et Romano, dans les conseils pas chers, tu nous l'as dit tout à l'heure. C'est Jackie et Michel. Jackie et Michel à l'honneur ce matin. Jackie et Michel qui se diversifient, vous saurez tout. Nouveau business. Dans un instant, et puis nouveau business aussi pour toi, Romano. Hein. On dit merci qui? Merci Jackie et Michel. Et merci. merci Skyrock et merci Romano. Et dans un instant, je peux vous dire merci Skyrock. 1 500 € pour vous. Juste après les infos de Rémi, il y a Béram qui a gagné à Lyon il y a une demi-heure. C'est peut-être votre tour. Mais d'abord l'actu et le sport. Et avant tout ça, la météo. Ouais, et ben encore une très très belle journée hein, qui s'offre à nous aujourd'hui. Un petit peu comme celle d'hier. On a quelques nuages ce matin. Des Ardennes jusqu'à la Bretagne, mais vraiment rien de bien méchant. Ça va se dissiper là dans les prochaines heures. Et au final, il fera beau partout. Les températures assez fraîches. Hein, couvrez-vous bien dans le nord-ouest. 5 degrés ce matin en moyenne. Jusqu'à 15 tout de même en PACA et dans les Pyrénées-Orientales. Ce sera tout doux cet après-midi de 17 à 23 en moyenne, entre 25 et 29 dans le sud. La pollution, ça reste nickel. Les indices compris entre 2 et 4 partout, sauf dans le nord où ça monte à 5 sur l'île Valenciennes et Dunkerque. Et toute l'info maintenant sur Skyrock, c'est parti. Pas de mur anti-intrusion à Calais. La construction de ce fameux mur végétal à proximité de la jungle a été suspendue. Décision prise par la maire Natacha Bouchard. Elle estime qu'il ne sert plus à rien puisque François Hollande s'est engagé à démanteler le camp de migrants d'ici la fin de l'année. Un bon moyen de le contraindre à tenir sa promesse. Pas sûr tout de même que le mur ne voit pas le jour. La préfecture, qui représente l'État, vous le savez, favorable à sa construction, peut s'opposer à l'arrêter et donc entendre poursuivre les travaux. Une opération taille XXL pour sauver Alstom. C'est aujourd'hui que va se décider l'avenir de Belfort. La direction, vous le savez, elle souhaite arrêter la production. 400 emplois sont en jeu. Une réunion a lieu ce matin à 10h où le gouvernement devrait commander 16 TGV pour relancer l'activité. Montant de la facture, 500 millions d'euros. Une commande qui devrait assurer du travail aux salariés du site pour les deux prochaines années. Hillary Clinton qui reprend une belle avance dans les sondages. La candidate démocrate est créditée de 42% des intentions de vote à 5 semaines de la présidentielle américaine. Donald Trump bloque à 36%. Si les chiffres ressortent des urnes vraiment comme ça, eh bien ce sera une défaite cuisante pour le parti républicain. Le milliardaire a perdu beaucoup de points depuis qu'il est accusé de ne pas avoir payé d'impôts pendant 18 ans. Une opération de sauvetage gigantesque hier au large de la Syrie. Les gardes-côtes italiens ont secouru plus de 5600 personnes en une seule journée. Les migrants étaient répartis sur une trentaine d'embarcations. Fait le point sur le sport maintenant avec la vidéo qui va sûrement sauver Balotelli à cause de son expulsion de dimanche. Et puis on parle peu de Ligue 2 aussi. Ouais, et Super Mario bientôt réhabilité par la Ligue. L'arbitre du match Nice-Lorient a regardé la vidéo de match et puis il s'est dit, j'ai été un petit peu sévère quand même avec l'Italien à qui il a mis un carton rouge. Du coup, la commission de discipline a été saisie et va se pencher sur le dossier jeudi. L'attaquant star des Aiglons pourrait donc être aligné lors du prochain match contre Lyon, c'est même quasiment sûr qu'il va être blanchi par cette commission de discipline. La Ligue 2 avec la fin de la 10e journée. Sochaux invaincu depuis le début de la saison s'est incliné sur la pelouse du Havre. Score final 2-1. Le HAC qui se positionne à la 5e place du classement, juste devant les Sochaliens. C'est bien le HAC, j'aime bien l'équipe du HAC. Je sais pas pourquoi mais je les aime bien. Ils ont découvert plein de gens le HAC. Les Normands. Merci Rémi, le Normand. Et puis rendez-vous tout à l'heure à 8h pour la suite de l'actu. Il est 7h35 sur Skyrock. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Avec à l'honneur Jackie et Michel ce matin. On dit merci qui ? Merci Jackie et Michel. Jackie et Michel qui se diversifie. Vous allez tout savoir sur le business de Jackie et Michel dans mais un c'est instant. Un carton leur truc. Mais ouais, Romano, t'aurais dû te lancer. T'aurais fait, je sais pas, un site Romano et Mehmet, toi et ton chien, et tu lançais un nouveau business. Un truc zoophile, ouais, sympa. Non, ouais. Je voyais pas comme ça, personnellement. Mais t'aurais pu faire un truc sympa, tu sais. Ouais, ouais, bah pourquoi pas, hein. Jackie et Michel. Ouais, et attention, vendredi, un truc nouveau sort de Jackie et Michel. Ah ah, mais qu'est-ce que c'est ? Vous allez tout savoir dans un instant. Mais alors, je vais le refourguer aux familles. Bah bien sûr, c'est l'heure de gagner des sous, Romano. Ouais. Bon, dans 5 minutes, mais avant ça, c'est l'heure de gagner des sous pour vous, de l'argent à gagner. C'est toutes les demi-heures, seulement sur Skyrock, la seule radio qui vous file 1 500 € toutes les demi-heures, c'est nous. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Ouais, et une enveloppe qui est dans mes mains et que je vais ouvrir là maintenant, 1 500 €. C'est tombé à Lyon tout à l'heure, ça va peut-être tomber maintenant chez vous. Et où va-t-on ce matin ? Allez, cap sur le sud. Vous êtes dans le sud de la France. Attention, ça va peut-être sonner chez vous. On file dans le 66, les Pyrénées-Orientales, les PO. On file à Perpignan et la famille qui ressort est la famille Correa. Bonne chance, nous appelons la famille Correa. Bonne chance les Coréens. Allô ? Monsieur Correa ? Oui ? Bonjour, comment allez-vous ? Ça peut aller, oui, pourquoi ? Mais c'est pour savoir, c'est une chose qui se demande. Nous, c'est la radio, monsieur Correa. Bonjour, monsieur Correa. La radio pour ? La radio pour vous offrir des sous. Radio pour les poumons. On vous appelle pour vous offrir de l'argent, monsieur Correa. Il y a 1 500 € à gagner, vous êtes là ? Ouh. Non. Non, vous n'êtes plus là. Mais si vous me répondez non, c'est que vous êtes là. Ok, vous n'êtes pas là. Donc. C'est comme quand on est. Tu m'entends ? Non, j'entends absolument rien. Monsieur Correa, on va vous demander quelle est votre radio préférée. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 1 500 €. J'en ai pas de préféré. Eh ben vous avez pas gagné alors, merde. Dommage, dommage. C'était Skyrock au téléphone, monsieur Correa. Comment? Oui, oui. Skyrock, Skyrock, on est en direct sur Skyrock, monsieur Correa. Ah, mais c'est bien. Eh ben oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Bon, la prochaine fois, faut répondre Skyrock et on vous file 1500 euros. C'est comme ça que ça marche. D'accord. Toute la France vous entend, monsieur Correa. Un message à passer à la France ce matin? Non, pas du tout. D'accord. Eh bien, la France vous remercie, monsieur Correa. Ah, oh, merci. Ciao. Bravo. Bravo, ciao. Monsieur Correa. Merci, monsieur Correa, président. Oui. Allez, salut. Salut. Ciao. T'avances un petit peu, Romano. Hein. Ah, ouais, bah attends, il nous a fait sa première déclaration en exclu. Hein. Je sais bien qu'il y a n'importe qui se présente à la présidentielle, mais quand ouais, même. C'est clair, hein. Oui. Bon, monsieur Correa, il n'a pas gagné. Hein. C'est peut-être pour vous dans une demi-heure. Encore 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock. Bonne chance d'avance dans moins d'une demi-heure sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer, boum, dans la nuit car sors de la piste, te fais une grande écart de panda. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur eux. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien de peu. Si tu me parles, rien de peu. Si tu me touches, rien de peu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud. Comme l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien de peu. Si tu me parles, rien de peu. Si tu me touches, rien de peu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu. Ça sent le brûlé, ça sent, ça sent le brûlé. Sur Skyrock, il est en feu le Sopra ce matin. Designer et Panda arrivent parce qu'on aime bien les animaux. Blablabla. Ça va daber, hein, je vous le dis. Hein. Ah non. Et The Weeknd et Daft Punk aussi avant 8h du matin. Mais tout de suite, vos conseils pas chers, des nouvelles de Jackie et Michel. Tu cherches ton portefeuille? Regarde dans les poches de Romano. Les conseils pas chers sur Skyrock. Et le site porno le plus célèbre de France, c'est Jackie et Michel. C'est celui aussi qui rapporte le plus d'argent. Et Jackie et Michel se diversifie. Voici tout de suite la rubrique économique du morning avec Romano qui nous parle de l'argent de Jackie et Michel. Bon, déjà, chiffre d'affaires, 12 millions d'euros l'année dernière. Ah, quand même. Pas mal. Bénéfice net, 3 à 4 millions d'euros. Pas mal, pas mal. Ça va, et attention. Nouveau business. Vendredi sort le premier magazine Jackie et Michel, le numéro 1. Ils sont pas chiés sur le prix quand même, 9,90€. Ah ouais, ouais, quand même. Je comprends qu'ils fassent des bénéfices, Jackie et Michel. Ouais, ouais, ouais. Oui. Alors, Jackie et Michel, ah, oh, j'ai la une. Claire Maman Cougar. Elle assouvit son fantasme, l'anal, ok. Il y a également Zaya et Max. Il y a Virginie de Castelnaudary. Virginie de Castelnaud, dis donc. Et Adeline et Mia. Elles sont à la une, elles en ont de la chance. Ah, et Claire Maman Cougar, elle est à Béthune. Je vous dis ça, si vous êtes en 62, c'est une de vos voisines. Et il y a également les photos art de pleine page non censurées. Bon, magnifique. Photos prises par une lectrice du Cap d'Agde. Eh bien là, je dis merci. Merci qui ? Merci Jackie et Michel. Eh bien ce matin, direction les familles, elles ont souscrit l'abonnement, je leur livre le premier numéro. C'est parti. C'est marrant qu'il soit lancé sur le net et qu'il retourne sur la presse. Ouais, 60 000 exemplaires il le tire, hein, le premier numéro. Ah, imaginez en nombre de... Ça y va. Hein. Ça fait du monde. Ça va coller de la page. Ah, ça va coller les pages. C'est parti pour les familles de France. Tu vas leur offrir pour une modique somme, c'est presque un cadeau. Ah oui, monsieur, je n'offre rien, moi. Je sais, mais c'est une manière de dire. Ben là, je leur offre leur abonnement. Tu abonnement à combien ? Donc, 12 fois 10, 120. Je vais faire à 200. Ouais, pourquoi s'emmerder sans... Il y a un DVD offert. Jacques également. Et Michel. Ah, ouais. Oui, bonjour. Jacques et Michel. Allô ? Vous avez appelé un Jacques et Michel ? Ouais. Jacques et Michel ? Ils doivent plus en pouvoir. On dit merci qui ? Merci Jacques et Michel ! T'imagines, tu t'appelles Jackie, ta femme c'est Michel. Ah, Jacques et Michel. Ou tu t'appelles Michel, ta femme c'est Jackie. Comme allô ? Tu dois te faire traquer, hein. Jacques et Michel ! Jacques et Michel ! Bon, on vous laisse, c'était pour vous vendre un magazine. Votre magnifique magazine, Jacques et Michel avec la... Maman Cougar, Claire. Le magazine du vrai porno amateur français. Ah bah amateur. C'est le slogan. Hein. Ça se voit ça. Allô. Oui. Jacques et Michel aussi. Bonjour Jacques et Michel. Oui. Oui, on dit merci qui ? Merci Jacques et Michel. Comment vas-tu ? C'est qui ? Eh ben c'est Jacques et Michel, le site internet, tu sais, le truc un petit peu olé olé. Mais non, ah non, sérieux ? On s'appelle comme toi. Mais c'est con. Ah non, mais sérieux, et on lance notre premier magazine, il sort vendredi, je vais te l'amener ce matin. Non. Ah si. Bah, attends, tu t'appelles Jacques et Michel, tu as le droit à une offre exceptionnelle. Ah oui, attends, vu que tu as le même nom que nous, on va te faire prix spécial. Eh, le magazine, écoute bien, le magazine, plus le DVD, prix exceptionnel, prix de lancement. 30 euros pour toi. Ah oui, non, mais je vais même pas acheter ça. Bah, non, mais si, tu vas acheter ça pour tirer non, sur la... Non, bah, mais... Comme ça, tu pourras tirer sur la nouille. Ah. Eh, hey, Claire, maman Cougar, elle a subi son fantasme l'anal. Oui, c'est... Hey, ça donne envie. Ah oh, bah grave. Ben non, j'ai mal dormi. Les photos hard, pleines pages non censurées. C'est dans Jacques et Michel Magazine. Avec Bobonne, t'as Bobonne à toutes les pages. T'as plein de Bobonne différentes. Adeline, extrême... Ou mère et fille. Qu'est-ce... Oh, oh yes. Non, mais prends-le parce que ce genre de truc, ça se loupe pas. Prends-le. Modèle qui restera dans les annales, celui-là. Dans les annales, c'est ouais. Jacques et Michel, on arrive dans 5 minutes. Non, je suis pas chez moi. Attends, j'arrive la biroute à la main. Là. Et attends, on a un jingle pour toi, écoute. Non, on dit merci qui ? On dit merci qui ? Merci Jacques et Michel. Allez, on est là à 8h. Non, mais prépare-moi un lait-chaud, j'ai envie de lait ce matin. Je m'en vais. Évite-toi le lait-chaud, les chouilles avec Jacques et Michel, ça peut être dangereux. Ben oui, on va venir, Jacques et Michel. Salut Jacques et Michel. Bisous. Au revoir. Merci, ciao. Hein. Parti. Ouais. Et parti. Ouais, est parti. Je pense qu'il t'attend, Romano. Ouais, hein. Mais c'est sûr. Et ben voilà. C'était. C'est marrant de s'appeler Jacques et Michel. Ah oui. Si vous en avez dans votre entourage, vous nous laissez les numéros pour aller les appeler parce qu'on en a toujours besoin. Jacques et Michel, c'est bon, c'est géré. Bon développement de Jacques et Michel. Belle entreprise française. Une belle start-up, comme ils disent dans les magazines oui. Économiques. Ah, il y a une version espagnole. C'est Bruno et Maria là-bas. Bruno et Maria. Aïe, aïe. Que dalle. Bon, dans un instant, le winner ou le loser du jour. Allez, je vous le dis. C'est la lose aujourd'hui qui est mise à l'honneur. La lose. Le loser du jour à découvrir. Et tout de suite, votre horoscope de l'amour. Enfin, tout de suite, dans moins d'une minute, l'horoscope arrive sur Skyrock et Designer Panda à écouter. Leclerc. En ce moment, chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, un pack de lessive d'âge 2 en 1 perles acheté, un pack offert. C'est pas bon, ça ? C'est super, tu veux dire ? Eh oui, en ce moment, le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est chez Leclerc. Du 4 au 8 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat d'un pack de lessive d'âge 2 en 1 perles, 30 lavages variétés au choix, le deuxième est offert. Voir conditions dans les magasins participants, produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Attention, le TGV magique va partir. Pensez à étiqueter votre balai et à museler votre dragon. Jusqu'au 10 octobre, laissez-vous ensorceler par les offres magiques SNCF. Toutes les cartes de réduction, enfants plus, jeunes, week-end et seniors plus, sont à moins 50%. Et pendant les vacances de la Toussaint, découvrez des surprises abracadabrantes dans les TGV. Offre soumise à condition, plus d'informations sur sncf.com. SNCF.

Panda sur Skyrock, c'était le son de Designer. Encore une découverte Sky. On vous offrira 1 500 € dans 10 minutes. Tout à l'heure, il y a Soprano qui est de retour. Soprano pour le réveil de Star. Il nous en a fait un très bon avec Gérard tout à l'heure. Ah, Gérard, ça va donner pour phénoménal. La suite. Phénoménal, Gérard. Ah oui. À 8h10, le réveil de Star. Mais avant ça, eh bien, écoutez, on a plein de choses à faire. Et notamment, l'heure est venue de découvrir notre loser du morning, le loser du jour. Le loser du jour. Le loser du jour. Le loser du jour est un journal, Le Parisien, aujourd'hui alors, en France, le journal de Paris et de toute la France. Qu'est-ce qu'ils ont encore écrit comme conneries ? Alors, le journal aujourd'hui en France donne quelques astuces pour choisir la bonne caisse pour éviter la queue. Ah, est-ce qu'ils prennent vraiment leur lecteur pour des débiles ? Alors, la queue, comment ça marche, une queue de supermarché ? Donc, une queue de supermarché, alors positionnez-vous, j'utilise des mots trop compliqués pour moi. Ouais, tout le matin. Ouais. Positionnez-vous dans une file avec un chariot plein. Alors, ça, je préférerais, moi, me positionner dans une file avec un chariot presque vide. Non, mais ils sont complètement cons. Hein. C'est les quelques astuces pour choisir la bonne caisse. Voilà, et puis c'est quoi, tu prends la caisse aussi où il y a le plus de monde? Non mais ils ont raison, parce que quand il y a un caddie plein, les gens vont pas derrière, et toi tu vas plus vite qu'avec plein de gens. Sauf que si c'est Bobon qui passe une demi-heure à décharger le caddie demi-heure à recharger ses affaires, c'est vrai. T'es pas sorti de l'auberge. Trois quarts d'heure à payer. Avec un peu de chance, la meuf a une galère de carte bleue où le chéquier passe pas, et là t'es tranquille. Deuxième conseil du Parisien, parce que les lecteurs ont vraiment beaucoup beaucoup besoin de conseils, on en fait partie, on le lit, hein, regardez. Quelques astuces pour choisir la bonne caisse. Repérer un caissier ou une caissière efficace. Et ben ça c'est un bon conseil parce que pour moi je prenais le plus tocard. Ah ouais. Je m'étais jamais rendu compte, j'allais vers le plus tocard, il m'était sympathique et tout. Donc je vais maintenant aller vers un caissier ou une caissière efficace. Ouais, c'est pas con. C'est pas con comme conseil, dites donc. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En tout cas, c'est bien d'acheter le journal pour ça. Ah bah ça c'est vraiment pas mal. Franchement, alors attends, je vais aller l'acheter de ce pas. Est-ce que je pourrais le récupérer après ? Je te le donnerai, Romain. Ah merci. Bien sûr, bien sûr. Privilégier les chariots avec beaucoup de produits identiques. Donc là tu fous le nez dans le chariot des mecs qui sont devant. Tu fais excuse-moi, je vais regarder un peu ce que t'achètes. Attends, après tu perds une demi-heure à faire toutes les files. Ouais, bien sûr. Tu regardes dans toutes les files, dans tous les chariots, et au bout d'une demi-heure, eh ben tu choisis un mec avec ou une meuf avec beaucoup de produits identiques. Comme ça va beaucoup plus vite. En fait, tu passes 3 heures quoi. Oui, tu passes 3 heures. Éviter les files avec des parents de jeunes enfants ou des personnes âgées. C'est pas les vieux. Parce que les vieux, ils font chier. C'est horrible, Parisien, dites donc. Vous méritez vos titres de loser du jour, mais du Parisien. Ah, ouais. Hein. Ah, les vieux, saleté de vieux. Putain, une page pour ça, quand même. Ah, hein. ouais. On en lit des trucs dans les journaux, quand même. Ah, hein. Ouais. Eh bien, le Parisien, on vous donne, c'est la première fois que vous l'avez cette année, dites donc. J'espère que c'est pas la dernière. Faites-nous des articles comme ça, c'est super, vraiment. Hein. Donc voilà, le titre de loser du jour, c'est pour le Parisien aujourd'hui. Si vous voyez des trucs dans la presse, vous n'hésitez pas à nous l'envoyer, hein. Ouais, des trucs ouais. Sur des sites internet, vous nous envoyez aussi. On en reparlera dans le morning. Eh bien, vous avez réussi, vous aussi, à récupérer quelques petits conseils avec nous, hein. Vous voyez. Pour passer dans la bonne file. Eh bien, c'est bon, vous savez tout. Vous savez tout, tout, tout. Grâce aux Parisiens. Merci. Quel bon conseil. Sinon, le Parisien, ils ont oublié qu'il existait le drive, nous dit Kitam. Bien aussi. Vu, Kitam. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, il faudrait leur expliquer d'ailleurs. Oui, c'est... on peut parler, ça. Ça fera un prochain article. Ouais, ouais bah. Allez, 7h56, dans un instant, on vous offre 1 500 € sur Skyrock. Les infos arrivent aussi avec Rémi. Et puis le réveil de Star, je vous l'ai dit, Soprano se pointe à 8h10. Kanye West. Your love is fading. I feel it. Son nouveau single, Fade. Kanye West, album et single disponible uniquement en digital. Assieds-toi, maman, je m'occupe de Oula, tout. Oula, attention, mon chéri, ce couteau coupe très fort. Oui, maman. Et lave bien la salade, hein, mon choubiglou. Maman. Attention à ne pas brûler, trésor. Maman, je suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Si j'ai pu m'offrir ma cuisine Ikea, je peux aussi l'utiliser tout seul. Il y a des choses que l'on aimerait ne jamais voir grandir. Chez Ikea, les prix restent petits toute l'année. Venez vite découvrir toutes nos cuisines à bas prix dans votre magasin Ikea. La nouvelle cuisine Calarp bleu turquoise est à seulement 379 €. Ikea. Un pour tous pour l'anniversaire Intermarché. Oui, ça continue. C'est les 4 semaines les moins chères de France chez Intermarché. Tentez de gagner votre voyage de rêve d'une valeur de 10 000 euros à composer vous-même et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse 2 fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. Vous attendez l'hiver pour vous occuper de votre voiture ? Ludo, non. Il anticipe. Bah oui, et en plus, chez Noroto, j'ai droit à des bons d'achat. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Ludo est chez Noroto. Et passer en mode hiver, c'est facile avec la carte Noroto. Jusqu'au 16 octobre, bénéficiez de 15 € offerts tous les 100 € d'achat.

une invitée mystère ou un invité mystère en lien avec l'affaire Kim Kardashian. Waouh ! L'affaire dont on vous tenait au courant hier matin, dès 6h du matin. Kim Kardashian s'est fait cambrioler à Paris. Elle est repartie aussi sec. Il y a Kanye West qui est venu la chercher avec son jet privé. Ouais. Eh bien, on en saura peut-être plus sur cette affaire. On en reparle tout à l'heure à 8h20 avec un invité mystère à découvrir. C'est un petit indice que je vous donne pour l'invité mystère. Il y aura l'iPhone 7 à gagner, comme tous les matins aussi sur Skyrock, bien sûr. Allez, il faut répondre Skyrock dans un instant. Mais d'abord, on écoute les infos, on se tient au courant, comme ça on sait tout. Rémi, pour l'actu, c'est parti avec la météo. Une belle météo pour aujourd'hui. Il va faire beau. Nickel. Voilà qui fait plaisir. C'est comme hier. Du ciel bleu pour tout le monde ou presque. On a quelques nuages. Ce matin des Ardennes jusqu'à la Bretagne, ça ne va pas durer. Les nuages vont se dissiper là très rapidement. Les températures de 5 degrés dans le nord-ouest, couvrez-vous bien jusqu'à 15 en PACA et dans les Pyrénées-Orientales. Ce sera doux cet après-midi de 17 à 23 en moyenne, entre 25 et 29 dans le sud. Et puis la pollution, ça reste nickel. Les indices compris entre 2 et 4, sauf dans le nord où ça monte à 5 sur l'île Valenciennes et Dunkerque. Et toute l'actu, c'est parti. Et le son qui se prépare, c'est pour nous, c'est Drake avec One Dance. Les constructeurs qui ont le sourire en plein salon de l'automobile à Paris, cela faisait longtemps que le secteur ne s'était pas aussi bien porté. Les ventes de voitures ont progressé encore une fois de 2,5% en septembre, une embellie qui dure déjà depuis plusieurs mois. Le groupe Renault-Nissan s'était fixé comme objectif d'atteindre le top 3 mondial. Opération réussie selon le patron Carlos Ghosn qui a présenté Porte de Versailles, sa toute nouvelle gamme de la marque aux losanges. Une mauvaise nouvelle pour les abonnés EDF, on savait qu'un rattrapage était prévu. Le montant a été communiqué, 1 milliard d'euros. Plus de 28 millions de clients vont devoir passer à la caisse. Cela représente environ 30 euros par facture. Ce sera certainement étalé sur plusieurs mois afin de limiter l'impact des consommateurs. Un accident dramatique et impressionnant hier à Chamonix. Un Russe s'est tué en pratiquant le wingsuit. Alors cela consiste à sauter dans le vide, vous le savez, avec une combinaison en forme d'aile. Sauf que là, la combinaison ne s'est pas déployée. Du coup, l'individu a percuté un immeuble de poule de plein fouet tout près de la gare. Il est mort sur le coup, bien sûr, sous le regard de plusieurs témoins. L'agression de Kim Kardashian qui continue de faire la une des journaux. Ce matin, la star américaine a été accueillie comme une chef d'État hier à son retour sur le sol américain. Une douzaine de voitures, de nombreux agents de sécurité qui l'ont escorté jusqu'à New York, Manhattan. Bah, les agents de sécurité auraient pu faire des avoirs à Paris. Hein. Oui. Oui, ouais, bah, en fait, non, parce qu'elle en avait un, mais il est en boîte. Ouais, il est en boîte avec ses deux sœurs, donc forcément, il n'a pas vu venir la chose. Alors, pour la petite histoire, c'est Kanye West en bon mari qui, dès qu'il a appris ça à la sortie de son concert, enfin, pendant son concert, a pris son jet privé et est venu s'atterrir au Bourget pour sauver sa dulcinée et ensuite la ramener à la maison. Alors, c'est un styliste caché dans l'hôtel particulier du 8e arrondissement qui a donné l'alerte. Kim Kardashian a été auditionné pendant de nombreuses heures par les enquêteurs avant de repartir. Quoi qu'il en soit, bon bah ça n'arrange pas vraiment les affaires de Paris, dont le tourisme était déjà un petit peu en berne cet été, notamment à cause des attentats. La vie est plus réservée aux États-Unis, heureusement, où la presse estime que c'est un fait divers. Malheureux, c'est vrai, mais que la star étale beaucoup trop sa vie privée et sa richesse sur les réseaux sociaux, et même que des fois elle marque même où elle est avec la géolocalisation. Enfin bref. Ouais, regardez, j'ai une bague à 4 millions d'euros ce soir. Non, mais en plus, pas longtemps avant, elle était en train de se filmer dans l'appart. Bah voilà, donc c'est limite qu'en fait, elle dit où elle est, donc forcément, limite, ça les Américains disent, c'est de sa faute, connasse. Ouais, c'est ça. Non, mais ils disent ça, puis. Non, mais c'est vrai, ils disent ça, puis même il y en a qui disent que c'est un coup monté. J'ai entendu parler voilà, de ça. Voilà, il y a aussi beaucoup de coups montés, mais des médias très sérieux. Hein. Le complot. Ça voilà, y est, parce qu'ils ont dit, voilà, son émission de télé-réalité, ça marche plus, tout ça. C'est les Illuminati. Ouais, c'est ça, c'est le complot. Le complot des Illuminati. Bon, le foot maintenant, avec du nouveau chez les Bleus et du basket aussi. Ouais, le joueur du PSG, Prenel Kimpembe, qui va découvrir les joies de Clairefontaine. Il a été appelé par Didier Deschamps pour remplacer Elia Mangala, blessé avec son club Valence. Le coach essaie de capitaliser sur la jeunesse en vue du Mondial 2018. D'ailleurs, les éliminatoires reprennent cette fin de semaine-là, vendredi contre la Bulgarie et lundi face aux Pays-Bas. Et des places à gagner vendredi d'ailleurs. Le match de vendredi, mais dès demain mercredi, les places. Ouais. 8h-5 tous les matins. Et du basket avec l'épilogue de la deuxième journée de Pro A. Match très relevé hier entre Gravelines Dunkerque et le Paris-Levallois. Avantage pour les nordistes qui s'imposent 81 à 79 face aux franciliens. Au classement, c'est Nanterre qui domine les débats devant Monaco et Antibes. Merci Rémi. Il est 8h06. C'est l'heure de vous offrir 1 500 € dans le morning. On souhaite une belle journée. Une journée qui démarre avec 1 500 € sera forcément bonne. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est le plus beau. Dis-moi qui est le plus radin. Romano. Qui est le poids lourd de l'émission? Cédric. Qui a les plus gros seins? Bah, encore Cédric. Désolé, Carriole, mais t'es belle quand même. Et qui te réveille tous les matins du matin? Le morning de Difool sur Skyrock. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Ouais, bon réveil à vous et bonne chance pour les 1 500 €. Notre soprano arrive. Comme promis, le réveil de star avec soprano. Est-ce que le contact sera meilleur qu'il y a une petite heure? On va voir ça tout de suite, enfin dans 5 minutes. Le réveil de star, c'est à 8h10 tous les matins. On parlera de Kim Kardashian avec notre invité mystère à découvrir. Alors je vous dis tout de suite, ce sera pas Kim Kardashian. Oui, forcément. On a reçu, moi je sais pas, 50 messages à la suite. Ce sera Kim Kardashian, votre invité mystère. Kim Kardashian. Non. Ce sera pas Kim Kardashian. Mais on va reparler des stars qui se font voler. Mais avant ça, on vous offre des sous. 1 500 € à gagner. C'est bien sûr pour vous. T'as l'enveloppe? C'est bon, elle est là. Hein. Allez, on vous ouvre votre enveloppe. J'espère que vous êtes dedans. Bonne chance. Si ton téléphone sonne, réponse Skyrock. Localisation du gagnant des 1 500 €. Et bah pour localiser, faut ouvrir. Où est-ce qu'on va? Hop là. Direction l'Île-de-France. Attention, vous êtes en Île-de-France. C'est peut-être pour vous ce matin. Je localise dans le 95. Ah, nous allons en Val d'Oise. Taverny, très bien. Une Laure et c'est Laure Mignot. T'aimes bien ce prénom, Laure? Laure, oui. Si t'avais une fille, tu l'appellerais Laure, peut-être. Peut-être. J'en ai pas pour le moment. C'est trop beau, Taverny. Et ton fils, tu l'appellerais comment? Argent? Ouais, c'est ça, ouais. Allô? Oui, bonjour, madame Laure. Comment? C'est Laure. C'est Laure Mignot? Non, pas du tout. C'est pas Laure Mignot de Taverny? Vous êtes pas Laure Mignot, vous? Non, pas du tout. Et vous êtes? Nous, on est la radio. Bonjour, madame. Bonjour, c'est comment votre prénom? Moi, c'est Sylvie. Et vous, c'est comment? Moi, c'est... Je sais pas si je peux dire. Je vais vous donner l'initial de mon prénom. C'est un magnifique D majuscule. Mais je vais vous poser une question. Sylvie, on vous appelait, on appelait Laure en fait, mais on est tombé sur vous, c'est pas grave, vous allez lui piquer ses 1 500 €. On a 1 500 € à vous offrir, Sylvie. Oui. Il faut répondre à une question. Oui. Si on vous demande quelle est votre radio préférée, vous répondez quoi? FM. Sur la FM, bien joué. Oui. Vous avez bien situé la radio, on est sur la FM. FM stéréo. Et en stéréo en plus. Stéréo mégahertz. Et à Taverny, on est sur le 96. De la FM, c'était Skyrock, Sylvie. Eh oui, ah mince, Sylvie. Ah oui, c'est ma fille. Oh là là. Ta fille écoute Sky en plus. Oui. Ah bah ouais, bah, il faut pas lui dire. Bah, si elle écoute, elle doit dire putain maman, t'as déconné. Elle est partie, là. Ouais, tu vas te faire engueuler. Ah, tu vas te faire engueuler. Oula, Sylvie va prendre une chasse. Bon, Sylvie, si ta fille écoute Skyrock, on va lui envoyer un beau t-shirt Skyrock. Dis-lui pas qu'on t'a appelé pour les 1 500 €, hein. D'accord, c'est gentil. Parce qu'elle va t'engueuler. Ah ouais. Non, mais engueulera pas. Au lieu de dire, maman, tu crains, quoi. T'as sûrement un tête, mais bon. Bon, bah, tu sauras la prochaine fois. Sylvie, branche-toi sur Skyrock 96 FM. Et quand on t'appelle, tu réponds Skyrock et tu gagnes 1 500 €. D'accord, très bien. T'es sympa, Sylvie. On t'embrasse, ne quitte et pas. Vous n'avez pas mon adresse pour le t-shirt, vous allez faire comment? Bah, tu quittes pas. Ah, si, on sait où t'habites. Hein. Ah ouais, j'en ai tout. À Taverny. Ouais. À quelle adresse? Non, mais on va vérifier, t'inquiète. Non, on t'en prend tout de suite. Bisous, Sylvie. Merci, au revoir, à bientôt. Salut Sylvie, bisous. À très vite, évidemment, à bientôt, parce qu'il faut répondre Skyrock, il faut qu'on vous appelle, c'est peut-être ce qui va se passer à 8h30 tout à l'heure, dans une demi-heure. Oui, et inscrivez-vous au 72020, il faut envoyer 1500. Vous envoyez 1500 au 72020, et peut-être qu'on vous appellera, c'est pour augmenter vos chances de gagner. Oui. Hein, plus de chances de gagner, tous les matins, toutes les demi-heures, 1 500 € à gagner seulement sur Skyrock. Le morning de Default sur Skyrock, le morning qui fait... Oh là, le rêve. Dès le réveil. I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Drake sur Skyrock avec One Dance, une découverte Sky à 8h13. Dans un instant, Nico Evans qui arrive. Ah, c'est marrant ça, c'est Am I Wrong, ça nous rappelait des souvenirs. Ça sera même la Skyrock version. Oh là là, la Skyrock. On ne se refuse rien. Ah bah, c'est la classe. Le réveil de Star, c'est l'heure de retrouver Soprano tout de suite. On vous salue à vous tous qui nous laissez des messages là. Bonjour à Aito. Tiens, on a lancé un sondage, Romano, j'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux. Un sondage de quoi? Hashtag Morning de Difool. Si vous voulez aller sur Twitter, sinon sur tous les réseaux, on est là. Vous allez sur Insta, vous allez sur Snap, vous allez sur Facebook. Et une question qui a été posée. Qui est le plus beau en blond? On a fait une photo de toi, Romano, avec une perruque blonde, une photo de Messi en blond et une photo de Neymar en blond. Eh bien, sache, ça va te faire plaisir, que tu fais 51% des plus beaux en blond. Ah et bah, devant Messi et Neymar. Neymar est deuxième. Et deux additionnés, ils font même pas mon score. Bah ouais. Oh les nazes. Oh les nazes. Donc Neymar, Messi sont derrière toi, Romano. Tu vois, si t'avais des cheveux, tu serais bien. Non mais à l'époque, quand j'étais blonde. Oui. C'est horrible ce que tu dis. Bah franchement, je cartonnais hein, chez les meufs. Hein. Ouais, parce que Romano, il était blond. On parlait... Je faisais un petit glaçage blond au-dessus là. On parlait de cheveux tout à l'heure dans les conseils pas chers. Vous avez vu, tout peut arriver dans le morning, même Romano qui nous fait un conseil pas cher sur les cheveux. Ouais ouais ouais. Comme quoi Ah mais c'est la mode le blond. Le morning est toujours là pour nous surprendre. C'est clair. Vive le morning sur Skyrock, ça fait plaisir. Et une petite surprise ce matin, c'est Soprano qui vient réveiller les familles de France. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Soprano. C'est Soprano. Oui, je t'ai reconnu. Soprambaba. C'est lui-même, Soprambaba. Qu'on va retrouver tout de suite avec une nouvelle famille, la famille d'Alain. Est-ce que ça va mieux se passer qu'avec Gérard tout à l'heure? Sans doute. Parce que Soprano et Gérard tout à l'heure, c'était pas l'amour. Ouais, il y avait pas super contact. Soprano ouais. était gentil comme tout. Gérard aimait pas trop les questions de Soprano. On va voir si les questions de Soprano sont mieux reçues par Alain. C'est le réveil de Star à 8h14. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Et on a donc appelé Alain. C'est parti, Alain. Et le réveil de Star de Soprano. Allô. Bonjour, bonjour. C'est Marcy? Mais bien sûr que non. C'est qui, là? C'est Soprano. Je vais vous tromper le numéro, hein? Non. Qui c'est? Je te raconte. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est de la part de qui? C'est Soprano. C'est qui, monsieur Soprano? Soprambaba. C'est quelqu'un de l'EI? Ah oui, oui, oui, oui. C'est un gars de l'EI, Baba, je sais pas quoi. C'est Baba, c'est ça. Vous êtes un chasseur ou quoi? Ouais. C'est un chasseur. Et il demande pourquoi le téléphone? Bah, il demande pourquoi vous téléphonez. On est en train de foutre le bordel. Bah non, mais il est en train de se doucher, c'est pas marrant pour lui, hein. Et on s'en fout. Allô? Allô? Oui. Mais je sais pas qui vous êtes. En fait, je l'ai dit, en fait. Et vous faites quoi exactement? Ce serait pour un renseignement, s'il vous plaît. Oui, bah allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais une femme pendant une journée? Oh, mais c'est quoi ce délire, là? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir qu'est-ce que tu ferais si tu étais une femme pendant une journée. Non, mais vous êtes un détroqué ou quoi, un là? Détroqué. Mais bien sûr que non. N'importe comment, je préviens la gendarmerie si vous arrêtez pas, hein. Oui. Tu dirais quoi si un mec te propose de l'argent pour coucher avec toi? Ouais, ben, moi, vous donnez votre nom, vous venez, je téléphone à la gendarmerie. Non, on verra sur le tas, t'inquiète pas. Venez, vous allez voir. Ça veut dire quoi, ça, votre système, là? T'inquiète pas, j'ai des principes et un honneur. type, sans couille. Sans couille, sans bras. Eh, content, sans bras. Et on a bien, rigolé. Moi, je fais du gendarmerie, moi. T'es un détroqué. Ah, détroqué. Eh oui, Sopra. Ouais, c'est quoi ce système, là? Le pauvre Sopra s'est fait traiter de détroqué, t'imagines? Ah, bien, cousin. Ah, bien, cousin. Ah, c'est un chasseur. Voilà, ils ont pas aimé les questions de Sopra. Non, ils ont pas trop aimé, non. Sopra, merci pour ton interview de ce matin, ton interview des familles dans le réveil de Star. Merci à la famille d'Alain, la femme, le mari, c'était super. Ouais. Ah ouais, bravo à tous. Quand on les entend tous les deux, on sent que c'est le grand amour, ils se sont trouvés. Hein. Oh, toi, des tranquilles. Ah, gendarmerie. Les stars réveillent la France. C'est Soprano. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Ah, bien, cousin. Everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong? Woo! For thinking that we could listen to Skyrock? Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see? That's just how I sur Skyrock, en Skyrock version, on écoutait I'm Wrong à 8h20, on est pile à l'heure, c'est bien, c'est l'heure de vous offrir votre iPhone 7, l'iPhone 7 à gagner tous les matins dans le morning, plein de cadeaux à gagner, on file la PS4, la Slim, la nouvelle, on vous file l'iPhone 7 et je vous offre les conseils pas chers, ça c'est vraiment très très généreux, vraiment. Je sais, et les 1500€ qui reviennent dans 10 minutes là sur Skyrock, hein. Avant ça, eh ben on joue, c'est parti. L'invité mystère. What? Ouais, elle est à la une de l'actu, Kim Kardashian qui s'est fait voler pratiquement 10 millions d'euros de bijoux. Bienvenue en France, Kim, elle est repartie là, ça y est, c'est fini. Elle est repartie aussi sec, ouais. Ouais, et on va parler des stars cambriolées et une star à découvrir maintenant sur le 41759 et sur l'appli Skyrock. Vous laissez vos réponses et vous nous dites qui est donc la star que je vous fais écouter tout de suite. Vous nous dites, ah attendez, c'est une fille, c'est pas Kim Kardashian. Ouais. Je vous le dis tout de suite, mais elles ont des points communs, elles ont l'air aussi intelligentes l'une que l'autre. Ah, mais qui c'est donc? Écoutez savoir. I love you.

La Banque Postale Assurance IRD, entreprise régie par le Code des Assurances. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Bon réveil et bonne journée sur Skyrock. Bon courage à ceux qui sont déjà sur la route. Mais il fera beau aujourd'hui, il y a plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. Et on aura en plus 1 500 € dans moins de 10 minutes. On vous offre de l'argent encore c'est ce la folie. Matin. Mais tout de suite, c'est Rachel qu'on a avec nous. Et Rachel qui va peut-être gagner son iPhone 7. Bonjour Rachel. Bonjour, salut à tous. Salut Rachel. Rachel, 25 ans dans le 02, t'es dans l'Aisne toi. C'est ça. Eh bien bienvenue à l'Aisne, bienvenue à Rachel, bienvenue à toi. Tu fais quoi dans la vie Rachel? Je suis chargée de recrutement. Très bien. Bon, bah, nous, on t'a recruté pour jouer avec nous maintenant. Il va falloir nous donner le nom de l'invité mystère. Écoutez comme elle est sensuelle quand elle dit I love you. Vas-y. I love you. C'est vrai qu'on dirait E.T., t'as raison, Manon. I love you. Et écoutez comme elle est classe. Bravo, l'invité mystère. Alors, qui est donc notre invité mystère ce matin? Mais c'est Paris Hilton. Eh ouais, Paris Hilton. Eh ouais. Parce que Paris Hilton est comme Kim Kardashian, elle s'est faite cambrioler, la pauvre. I love you. T'as gagné ton iPhone 7, c'est bon, Rachel. Ça, c'est trop bien, je vous remercie, franchement, c'est trop cool. Eh, il est super, l'iPhone 7, il est pour toi. Bon, bah, merci, on va franchement. T'envoyer direction le 02, t'es où dans le 02, t'as pas dit? Étrayé, c'est un petit village à côté de Saint-Quentin. Très bien, on salue les petits villages à côté de Saint-Quentin. Salut Étrayé, voilà. Tu as bien représenté ce matin un bel iPhone 7 pour toi. Alors, tiens, merci. J'espère que t'as jamais été cambriolé, toi, comme Kim Kardashian. Non, bah me portez pas poids, s'il vous plaît. Non. Je touche du bois. Ramène ta tête, Romano. La peau de singe. Ah, mais il a pas de poil aussi, lui. Non, mais il faut toucher de la peau de singe. La peau de singe. Ah oui, c'est vrai. D'accord, j'ai bien noté. Kim Kardashian, 10 millions d'euros de bijoux, comme ça, en une nuit. Ouais. Bon, il y en a 5 qui étaient pas à elle. Bon, il y en a d'autres qui se sont fait cambrioler. Drake, vous savez qu'il s'est fait voler des bijoux, lui aussi. On avait parlé dans l'émission. Ah, mais oui, avec son histoire de jet, là, non? Non, de bus. Ah oui, c'est ça, ouais. Le bus de sa tournée à Phoenix, lui aussi, des millions d'euros de bijoux pour Drake. Elle mais après, le mec s'est fait arrêter, ils ont retrouvé les bijoux. Hein. Il était content, Drake. Chris Brown, mais ouais, notre bon Chris Brown. You got the worst gang in the world. Yeah. Je suis le worst gang in the world. Chris Brown qui s'est fait cambrioler. Fuck you, oui. Ok. Alors lui, il était en club, il faisait la teuf, il avait laissé sa tente à son domicile, et il s'est fait piquer plein de thunes et un téléphone. Ça va. Ouais, ça va. Ça dépend ce qu'il y avait dedans, quoi. Dans le téléphone? Ouais. Ouais, c'est vrai que Chris Brown, ça fait chaud. Jamais, ouais. Une photo à poil, c'est sûr. Michael Youn, dites donc, s'est fait voler des montres et des vêtements de luxe pour 70 000 euros. Ah, eh ben. Ah mais oui, je me souviens, elle avait passé un appel sur les réseaux sociaux. Non, mais surtout, il avait posté avant sur Twitter une photo de sa maison où il habitait. Donc c'est un peu con, Michael, ton histoire, là. Ouais. Faut éviter de mettre l'adresse où t'habites, ouais. Black M s'est fait cambrioler à son domicile. Ordinateur, bijoux, 5 000 euros. Eh, Black M, pour arriver aux 10 millions d'euros de Kim Kardashian, faut faire mieux, hein. Ouais. Bon. Oui, c'est clair. Il y a Geneviève de Fontenay, là, l'ancienne mamie, la démisse, là. Ah, pendant qu'elle a beau chapeau. Pendant qu'elle faisait Miss France. Mais je crois 2 ou 3 ans de suite. Tous les ans, elle faisait Miss France en décembre. Ah, il la voyait. Tiens, mamie, elle est à la télé. On va lui piquer ses chapeaux. Pas de chance. 50 Cent. Alors là, c'est le drame, Carriole. J'espère que ça va pas te mettre mal. En 2010, il s'est fait voler 50 000 dollars de bouteilles de vin. Ah, ça, Carriole n'aurait pas supporté. Ah, non, mais ça, c'est trop dur. Ne touchez pas au vin. Et Paris Hilton, elle s'est fait voler 2 millions d'euros de bijoux chez elle par un groupe de 4 filles. Et 4 filles de 19 ans qui sont allées cambrioler Paris Hilton. Et 2 millions, c'est cher, hein, quand même. Hein. Ah ouais. Bon, pour elle, ça va. Hein. Et puis, il y a qui d'autre? Putain, ta race! Mais qu'est-ce qu'elle fout, Fida Turner? Pourquoi elle s'est fait cambrioler? Qu'est-ce qu'elle a, Fida Turner? Son cerveau, elle s'est fait cambrioler le cerveau. Mais non, Romano. Fuck you. Ouais, du calme. Pas son cerveau, elle s'est fait cambrioler sa culotte à la télé. Oh merde. Elle avait oublié de mettre une culotte quand elle était à la télé dans Mad Max, c'est ça le truc? Ouais, c'est ça, ouais. Et l'autre, elle avait aussi oublié de serrer les jambes. Bah tiens, en parlant de télé-réalité, il y a le présentateur de Secret Story aussi qui s'est fait taper son appart ou sa maison pendant qu'il était à la télé. Oui, Christophe Beaugrand. Ouais, c'est ça, ouais. Pas de chance. Donc voilà, les stars qui se sont fait cambrioler. Voilà, c'était pour consoler. Mais il y avait Cissé aussi pendant les matchs, qui s'était fait taper sa baraque. Ah ouais, si, pendant un match, ouais. Non, mais tu parles des matchs de foot. Les footballeurs, ils sont plein à s'être fait cambrioler. Bah, c'est vrai, c'est pratique, ouais. Tu sais où ils sont, hein. Ouais, surtout les Marseillais d'ailleurs, hein. Gignac, Lassana Diarra, les frères Ayou, Brandao, Djibril Cissé, Emmanuel Young, tous 13 joueurs de l'OM ont été cambriolés, c'est pas mal. C'est bien, tu vas jouer là-bas, tu sais que tu vas avoir droit à un moment ou à un autre. Un petit cambriolage. Et voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. On se met le son de DJ Sonic. Et voilà. Et puis de Justin Bieber. Et on fait un gros bisou, Rachel. Bravo pour l'iPhone 7. Bisous, merci. Bisous, ma chérie. Ciao. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Let Me Love You, Justin Bieber et DJ Snake sur Skyrock. Dans un instant, Alonso avec Binta. Binta, encore une découverte Skyrock. Le pote de Soprano à retrouver. Il y aura du Calvin Harris, du Rihanna, la belle Riri qui sera avec nous. Et puis, attention, attention au programme ce matin. Major Lazer aussi, tiens. Ouais. Les 1500 euros à gagner dans un instant. 1500 euros à gagner. Si vous répondez Skyrock, on dit coucou à Béram et bravo à Béram surtout. Il a gagné à Lyon tout à l'heure à 7h. Bravo Béram. Ça va peut-être retomber chez vous. Juste après les infos de Rémi, il est 8h34. On fait le point sur l'actu et on vous offre des sous. T'as prévu quoi en conseil pas cher, Romano? Tu vas. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il y a un truc qui va augmenter. Encore? Ouais, c'est le carburant. Là, il repart à la hausse. Ah, il avait beaucoup baissé. Oui, oui, bah là, il remonte. Là. Eh ben voilà une bonne nouvelle, qui met bonne humeur. Si vous êtes en voiture ce matin, ah, profitez-en. Faites des stocks. Ah ouais, remplissez des jerrycans. Ah bah oui, remplissez des jerrycans. Le prix du carburant va repartir à la hausse, mais on en reparle à 8h40 avec toi, Romano. Mais un moyen de faire des économies, conseil pas cher. Hein. Et tes conseils pas chers. Icario, tu vas être contente, on va fêter la journée mondiale des animaux, c'est aujourd'hui. Ah. Et oui. Nos amis les bêtes. Et une grande pensée à Cédric d'ailleurs. Oui. Une allez. Caresse. Romano te caresse, Cédric. Ouais. Ah bah, je caresse le dos. C'est toi qui l'as dit. Hein. Pas une partie intime. Hein. Pas du plaisir. Non, non, non, non, non. Bon, sinon, les infos avec Rémi, c'est parti. Ouais. Allez, on commence par la météo Rémi, pour aujourd'hui. Tu parles de partie intime, le mec, il te regarde bizarre après. Ah, d'accord. Ouais, non. Lui, là, il est pensif. Ouais. Là, il s'est décalé. Oh. Oh. N'importe quoi. Allez, la météo. Ouais, bah, une belle journée aujourd'hui encore. Bah, comme c'est le dire, en fin de compte, hein, on prend les mêmes, on recommence. On a quelques nuages ce matin, des Ardennes jusqu'à la Bretagne, mais rien de bien méchant. Ça va se lever très rapidement. Il va faire beau chez vous, comme d'ailleurs partout ailleurs. Les températures de 5 degrés dans le nord-ouest ce matin, écaille jusqu'à 15 en PACA déjà. Et dans les Pyrénées orientales, ce sera tout doux cet après-midi, de 17 à 23 en moyenne, entre 25 et 29 même dans les régions du sud. Et puis la pollution, ça reste bien, bon, nickel. Les indices compris entre 2 et 4, sauf dans le nord, où ça monte à 5 sur l'île Valenciennes et Dunkerque. Et laissez-nous le prix de l'essence vers chez vous pour qu'on voit où qu'il est le moins cher, l'essence. 1,44€. Essence ou gazole? Alors moi j'ai du gazole à 1,14€, le litre de gazole dans le sud. C'est Marion, 21 ans, qui nous envoie le message. Tu m'as donné une idée, Marion. Combien ça coûte le gazole chez vous? Combien ça coûte l'essence chez vous? Vous nous faites signe, Romano est en train de réfléchir, il ne sait même pas. C'est ça les riches. Faut pas attention, ils gagnent tellement de fric avec ces conseils pas chers, c'est dingue ça. Ouais, ça bah, je me barre sans payer moi, donc je connais pas trop le prix. Les infos, c'est parti sur Sky. Une opération taille XXL pour sauver Alstom. C'est aujourd'hui que va se décider l'avenir de Belfort. Dans tout juste une heure et demie, 10h la réunion. La direction, vous le savez, souhaite arrêter la production. 400 emplois en jeu. Le gouvernement va commander 16 TGV, histoire de relancer l'activité. Montant de la facture, 500 millions d'euros. Une commande qui devrait assurer du travail aux salariés du site pour les deux prochaines années. Autre crise sur la table du gouvernement ce matin, celle des céréales. Et les intempéries et le printemps pluvieux ont provoqué une baisse du rendement du jamais vu. La production a chuté de 30% alors que la France est le premier exportateur de blé en Europe. Un plan d'aide sera annoncé aujourd'hui par Manuel Valls. Les filières d'élevage devraient elles aussi être concernées. 6 mois de prison ferme pour un élu du Front National. Philippe Vardon, conseiller régional en PACA, a été condamné par le tribunal de Draguignan. Les faits remontent au soir du deuxième tour municipal en 2014. L'ancien leader identitaire niçois s'était battu avec 3 jeunes à Fréjus qui l'accusent d'avoir tenu des propos racistes. Le principal intéressé va faire appel. François Hollande qui exprime sa gratitude après la libération de Noura Nouas. La franco-tunisienne était retenue en otage depuis décembre. Elle avait été enlevée au Yémen alors qu'elle se trouvait dans un véhicule de la Croix-Rouge. Et le sport? Ouais. Après cette bonne nouvelle, le sport, on parle de Balotelli. Ouais, c'est ça. Balotelli bientôt blanchi, puis la Ligue 2 aussi. Ouais, Super Mario qui devrait être réhabilité par la Ligue. L'arbitre du match Nice-Lorient a regardé la vidéo et puis, ah, il s'est dit que c'est vrai, il a été un petit peu sévère avec l'Italien, à qui il a mis un carton rouge. Du coup, il a saisi la commission de la discipline qui va se pencher sur le dossier jeudi. L'attaquant star des Aiglons devrait donc être aligné lors du prochain match contre Lyon. Et puis la Ligue 2 avec la fin de la 10e journée. Sochaux, invaincu depuis le début de la saison, s'est incliné sur la pelouse du Havre, score final 2-1. Le HAC se positionne à la 5e place du classement, juste devant les Sochaliens. Et puisque tu parles de foot, n'oubliez pas, dès demain et jusqu'à vendredi, on vous file vos places pour aller voir le match des Bleus. Le match des Bleus, ce sera gagné tous les matins à 8h05. 8h05 demain matin, les Bleus au Stade de France, à gagner évidemment en exclu sur Skyrock. 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. C'est nous et on exclut sur Skyrock aussi tout à l'heure vos places pour aller voir Jules. Tournée Skyrock, tournée de Jules, vous voulez aller voir Jules. Jules. Et on a vos places à vous offrir, préparez-vous. On vous donnera le top d'ici même pas un quart d'heure. D'ici un quart d'heure, vous pourrez vous inscrire au 7-20-20. D'ailleurs, vous inscrivez toute la matinée, toute la journée, H24 d'ailleurs, au 7-20-20 pour les 1500 euros. 1500, c'est ce qu'il faut envoyer au 7-20-20 ouais. Pour augmenter vos chances de gagner. Sinon, les tirages au sort se font sur pour vos inscriptions, mais également sur tous les annuaires. Si vous êtes un gros feignant ou une grosse feignasse, hein, ça peut arriver. Ouais. Vous n'avez pas envie de vous inscrire, on peut vous appeler aussi. Et vous gagnez, bah, comme Béram tout à l'heure, à Lyon, 1500 euros. T'as vu tous les euros qui défilent depuis tout à l'heure? Ah, ça me rend malade. 1,10€ le gasoil à Bordeaux, nous dit Jormufloussa. 1,07€ à Reims, moins cher à Reims, pas mal. Pour l'instant, c'est le moins cher. 1,07€. Mais moi, je sais où c'est le plus cher. À Chennevier. Chennevière. Je sais où c'est le plus cher. C'est où? À Paris. Ouais, mais dans une station spéciale. C'est Station des Champs-Élysées. Non, aux Invalides. Ah, station des Invalides. Et ce qui est bien, c'est que, je vous le dis, parce que j'ai déjà vu, toutes les bagnoles des ministères, elles prennent toute leur essence là où c'est la plus chère de Paris. Ah, c'est pas grave, c'est nous qui payons. Non, mais tu les vois, toutes les berlines noires avec souvent le gyrophare, toutes les bagnoles ministérielles, elles prennent leur essence là-bas. Parce que l'Assemblée, tout ça, c'est à côté, donc ils vont pas aller loin. Anne Hidalgo et son chauffeur, la maire de Paris, elle y va aussi. Ah, ben tout. Et ah, même, ouais. Tu sais, bon, on sait, ils peuvent rien, mais par exemple, les trucs de balayage de rue, tu sais, les petites machins avec les balais là, mmh. Ben ils prennent leur essence là-bas aussi. Tiens, gasoil pas cher, on a trouvé moins cher encore. Anna, 24 ans, dans le Nord, 1,06€. Pas cher. Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais. Bah, profitez-en parce que ça va augmenter. On en reparle avec tes conseils. Ah oui, ça va augmenter partout. Hein. Et tes conseils, Romano, tes conseils économiques, les conseils pas chers. Bien sûr. Vous connaissez, c'est les conseils. Les conseils pas chers. Et là, c'est les 1500 euros. Oui, ta gueule. Conseil pas cher. Non, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. C'est trop bon. 1500 euros, écoutez bien. C'est l'enveloppe. Ah, Rémi. Et 1500 euros à gagner. Rémi, t'es prêt pour nous faire un freestyle jusqu'à 9h avec les conseils pas chers? Un petit live. Oui, dans ta tête. Oh. Alors, on va où? Eh bien, on va à Tours. C'est le tour de Tours. Pour les 1500 euros. Tours, Indre-et-Loire, 37. Et on appelle Pierre-Cédric Brouity. C'est lui qui a été tiré au sort, la famille Brouity. Bonjour, oui. Les Brouity. Bonjour. Bonjour, Pierre-Cédric, c'est toi? Oui, eh bien, Pierre, je peux t'appeler PC. Ça fait classe, ça fait nouvelle technologie. Ouais, c'est bien ça. Alors, Pierre Cédric. Oui. On est en direct à la radio, il y a 1500 euros à gagner, c'est pour ça qu'on t'appelle ce matin, Pierre Cédric. Oui, c'est Skyrock. Ah, je sais pas, je vais te poser la question, on va voir si tu as la bonne réponse. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh bien, c'est la bonne réponse, Pierre Cédric. Tu viens de gagner. Bravo. 1500 euros ce matin. Oui. Champion! Ouais, champion, mon frère! Ouais! Ouais! On s'arrête plus, Pierre Cédric. Ouais! Pou, comme tu le dis, Pierre Cédric. Ah oui, puis tu écoutes Skyrock bien fort derrière. C'est bien. Ah oui, mais Skyrock, faut le mettre à donf. Très bien, Pierre Cédric. Eh, ça fait plaisir, 1500 euros. Et hier, deux filles, aujourd'hui, deux garçons. Ah ouais. Ouais. Eh, ouais. Bah, baisse la radio, Pierre Cédric. Non, mais attends, Pierre Cédric, tu mets l'ambiance. Sky. Rock. Oui. Faites un beau duo avec Romano, tous les deux, dedans. Cédric, Romano. Bon, Pierre Cédric, 1500 euros qui arrivent à la maison à Tours. Tu vas faire quoi avec? Oh, je veux donner à ma femme et à mes deux enfants, mes deux petites filles. Ça, c'est un bon papa, un bon chéri, hein, ouais. Vraiment. Pierre Cédric, vraiment, respect. Comme on dit dans le Bronx. Respect, man. Alors, je salue mes amis du Bronx qui nous écoutent. Yeah. Il y a Rémi, là, il est dans le Bronx. Tu fais quoi dans la vie, Pierre Cédric? Je t'ai pas demandé. Bon, je suis intérimaire, là, je suis en route pour le boulot. Très bien, bah écoute, un chèque de 1500 euros qui va bien tomber, qui arrive à la maison chez toi, à Tours. Ouais, Tours. Ouais, ouais, ouais. Rock, ouais. Quitte pas Pierre Cédric, le chèque arrive. D'accord. Ciao. Ciao. Ciao. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Eh ben, il est fort le Pierre Cédric, vous avez vu, hein, champion. Champion, mon frère. Ah, il met l'ambiance. Hein. Ouais. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon pote, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, sous bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Paris. Comme ça, soleil de minuit, Pinta, Pinta, Pinta, Pinta. dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. La nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Il a les mains pourries, mais complètement pourries, n'arrive même plus à allumer son micro. C'est pas mes mains qui sont pourries, c'est mon micro qui ne s'allume plus. Je crois que je suis censuré. Ah, ça y est, il marche là. Bah, ça y est, il marche. Il suffit d'appuyer dessus. C'est Romano qui s'occupe de la technique. Vous voyez qu'il y a quand même quelques petits problèmes de réalisation dans l'émission. Bien ouais, mais t'as un interrupteur, t'as qu'à t'en servir. Voilà, ça marche. Ouais. Bon, ne touche plus à rien. J'ai remarqué un truc depuis tout à l'heure. L'essence le moins cher en France est dans le nord de la France. Ah. J'ai vu plein de messages du nord. C'est peut-être parce qu'il y a la Belgique juste à côté. Pour lutter contre les prix en Belgique qui sont encore moins chers que dans le nord, les pompistes du nord font baisser les prix. Possible. Ouais, peut-être. Ouais, ça doit être ça, ouais. J'ai fait une petite analyse. Regardez, Tutur du nord, qui a 22 ans, dans 5-9. 1,04€. Pas cher. Est-ce qu'il y a moins d'un euro? J'ai 1,01€ en Belgique. Pas ouais. Cher. 93 centimes au Luxembourg. Ah, encore moins cher. Ah, 96. C'est Séverine, ouais, Séverine du Luxembourg. Il y en a 2-3 du Luxembourg qui nous ont laissé des messages. Moi, ouais. J'ai Séverine, bisous. Bah, en même temps, c'est vrai que vous habitez à côté, autant y aller. Hein. Le SP 95, 1,23€. Si vous allez en Italie, c'est l'essence le plus cher d'Europe. Ah ouais, là-bas, putain, qu'est-ce que c'est cher. Et ça, c'est cher. Ça m'a rendu malade. Tiens, à côté d'Evreux, on a Virgule qui nous dit 1,07€. C'est pas mal, 1,06€. Bon, c'est tout dans les mêmes eaux, au final. Hein. Oui. Ah, toi, oh, Romano. Ah ouais, mais bon, comment, Romano, il est prêt à aller en Belgique pour l'avoir à 1,00€. Hein. si. Bon, par contre, mauvaise nouvelle, ça va repartir à la hausse. Et ouais, ça va réaugmenter parce qu'ils ont trouvé un accord, les pays. Oui, les pays producteurs de pétrole. Et ouais. Ont trouvé un accord à Alger. Sur, en fait, il y avait trop de production, ils vont réduire la production. Donc, mécaniquement, ça va faire remonter les prix du baril. Donc, forcément, remonter les prix à la caisse. Comme tu en sais des choses. Ouais, ouais. Comme tu as dit. Et en Ile-de-France, il y aura une taxe en plus parce que c'est pour financer le pass Navigo. Qui est devenu au même tarif pour toutes les zones. Ah, et c'est nous qui payons. Ouais. C'est bah quoi, ouais, c'est... parce qu'en fait. C'est une idée de qui? Alors, une idée de Valérie Pécresse ou alors une idée de. Comment ça s'appelle? Anne Hidalgo, ouais. La maire de Paris. Ah, je sais pas trop. La maire qui fait le plus de bouchons au monde, c'est ouais. Elle. Bravo, Anne. Ouais, bravo. Ouais. Donc, le pass Navigo, non, parce qu'en fait, ils l'ont mis au même tarif pour tout le monde. C'est le moyen de transport pour métro, RER, bus, tout ça. Avant, il y avait, suivant où tu habitais, plus tu étais loin de Paris, plus ça coûtait cher. Maintenant, ils ont mis le même tarif pour tout le monde. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, le truc, ils ne l'ont pas financé. Ça, c'est con. Donc, bah, maintenant, ça y est, ils l'ont financé. Bon, c'est le con d'automobiliste qui va payer. Hein. Voilà, il va payer. T'as, les automobilistes, ils ont bon dos. Bon courage à vous qui nous écoutez dans la voiture, là. Putain, 1,50€ à Saint-Tropez. C'est cher, hein. Ah, ah ouais, ouais, ouais, ouais. Ça va être du super. J'espère que c'est du super et que c'est pas du gazole, sinon tu te fais estanquer, comme on dit. Alors, Romano. Alors, bah, ce matin, vous savez que je suis tombé en panne de naissance. C'est pas vrai. Et j'ai demandé aux familles si je peux pas siphonner un peu. Bah oui, parce qu'ils sont là quand même pour rendre service. On a des voisins, autant s'en servir. Bah, hein. C'est clair. C'est les conseils pas chers. Des scientifiques se sont penchés sur son cas. Il a le gène de l'arnaque dans le sang et il n'y a rien à faire. Romano et ses conseils pas chers sur Skyrock. Bah ouais, c'est dans ses gènes, c'est dans le sang, c'est comme ça. Hein. T'as pas un bruit de vroom vroom? Un bruit de vroom vroom. Tu veux donc un bruit de voiture, si je comprends bien. Mais une voiture qui ne démarre pas. Une voiture qui ne démarre pas. T'inquiète, Romano, je vais te trouver une voiture qui ne démarre pas. Allô? Oui, Thierry. Bon. Quand? Thierry. Thierry? Oui. Comment tu vas? Ça va? Ça va, ça va. D'ivoire, j'ai une galère, là, j'habite pas loin de chez toi. Je suis en rade d'essence, là. Allô? Oui, non, mais attends, je n'ai pas reconnu ta voix. C'est Jean-Louis, du bout de la rue, Jean-Louis Lapince. Ma femme, elle a le nez crochu, là. Ouais, moque-toi pas, je suis sa femme, moi. Bon, d'ivoire, je suis en rade d'essence. Préviens-moi quand je suis ta femme aussi. Oui, bah, t'es ma chérie, ouais. Je suis du calme. Je suis en train de négocier avec Thierry. Thierry, est-ce que tu pourrais me dépanner de quelques litres d'essence le temps que j'aille à la pompe? Ah, bah, oui, attends, je suis. Bah, je descends, alors. Ouais, tu descends. Et ouais. Ce que je fais, c'est que bah, ma femme, elle va pousser la bagnole. Elle va pousser. Elle pousse la bagnole jusqu'à chez toi. Et puis on siphonne, hein. Bah non, j'habite dans le 5 litres d'essence. Ah bah c'est parfait, sinon t'as un tuyau. Hein? Sinon on met dans le réservoir, on pompe avec le tuyau, ma femme adore pomper, hein, ma chérie. Mais ta gueule, toi. Elle va amorcer le carburant. Bon, bah, on arrive dans 5 minutes, hein, c'est super sympa, Thierry. Ouais, d'accord. Ça mériterait un coup d'apéro, peut-être. D'accord. On viendra le prendre chez toi ce soir, tiens. Minimum. Ah bah, minimum 1, hein. Bon, bah, dans 5 minutes, Thierry. Ouais, d'accord. Attends que ma bonne femme, elle tire la bagnole. Allez, ma chérie, on y va. Eh ben, tout de suite, mon Titi. À tout de suite. Bisous, merci, hein. Merci, chef. Eh, quand vous vous dites que les voisins, c'est bien utile. Un coup d'essai, c'est un coup de maître. Eh, non, mais n'empêche que super sympa, le Thierry. Grave. Ouais. Il a son petit jerrycan qui est prêt. Il est gentil. Pour dépanner. Ouais, non, mais c'est sympa. Non, ouais. Mais il a prévu, c'est bien. Merci, Thierry. Bravo pour les conseils pas chers et le prix de l'essence à la hausse. Vous aurez été prévenu sur Skyrock. C'est pour bientôt. Pour oui. Profiter. Dans un instant sur Skyrock, on va parler des animaux. Et nous allons peut-être nous inspirer des animaux pour séduire ou pour draguer. Ah ouais. Parce que les animaux ont leur méthode. On fait la compile de la sexualité des animaux ce matin pour fêter la journée mondiale des animaux. Nos amis les bêtes. On salue toutes nos bêtes qui nous écoutent ce matin. Ouais. Dédicace à Rémi des infos, ouais. Cédric le Belge, oui. Et tous les autres. Bien sûr. Rien. Encore. Dans une minute, donc l'horoscope de l'amour et puis juste après, la compile, la sexualité des animaux pour fêter la journée mondiale des animaux. Ils ont des techniques pour draguer les animaux, ils déchirent. Hein. Ah ouais. Et Rihanna arrive aussi tout de suite sur Sky, il est 8h51, dans moins d'une minute l'horoscope. Assieds-toi maman, je m'occupe de tout. Attention mon chéri, ce couteau coupe très fort. Oui maman. Et lave bien la salade, hein, mon chou biglou. Maman. Attention à ne pas brûler trésor. Maman, je suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Si j'ai pu m'offrir ma cuisine Ikea, je peux aussi l'utiliser tout seul. Il y a des choses que l'on aimerait ne jamais voir grandir. Chez Ikea, les prix restent petits toute l'année. Venez vite découvrir toutes nos cuisines à bas prix dans votre magasin Ikea. La nouvelle cuisine Calarpe bleu turquoise est à seulement 379€. Ikea. Leclerc. Belle maman, c'est la foire au vin Leclerc. Regardez, un AOC Saint-Georges Saint-Émilion Château-Bertin Cuvée Prestige 2014 à 8,30€ la bouteille. Mais non. Et si, c'est l'un des 35 incroyables sélectionnés par un jury d'experts, dont le meilleur sommelier du monde 2007. Des vins qui ont l'étoffe des plus grands, mais au meilleur prix. C'est parce que Leclerc sélectionne pour vous les meilleurs vins au meilleur prix qu'à partir du 27 septembre, la bouteille AOC Saint-Georges Saint-Émilion Château-Bertin Cuvée Prestige 2014 de 75 centilitres est à 8,30€. Voir modalité dans les magasins participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Parce que le créateur de la foire au vin, c'est Leclerc. Et l'horoscope, c'est parti à 8h52 sur Sky, on y va. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et votre horoscope pour ce mardi, ça démarre avec les lions et les versos, puissance amoureuse à 0 sur 5. Ah ouais. Ouais, cool. Si vous êtes célibataire, vous êtes trop exigeante aujourd'hui, ne cherchez pas absolument une histoire sérieuse. Procédez par étapes et vous verrez, vous laissez du temps au temps et ça ira mieux comme ça. Pour les couples d'ailleurs, lions et versos, évitez de critiquer la famille ou les amis de votre partenaire, ça se passera mieux aussi. Donc vous avez 0, mais il y a quand même quelques petits conseils que vous pouvez mettre en place. Les lions et les versos, c'est géré, on passe aux gémeaux et aux vierges, vous avez 1 sur 5. Ne vous prenez pas la tête pour que tout soit parfait sur le plan sentimental. Soyez moins exigeant, vous aussi, restez cool et tranquille. 2 sur 5, les cancers et les balances, quelques petites concessions à faire aujourd'hui. Ça, c'est le côté négatif, mais le côté positif, c'est que ce sera bénéfique au bout du compte. Donc, des concessions, mais pour du bien. 3 sur 5, les béliers et les taureaux, là, c'est bien. Sans problème pour les béliers et les taureaux. Vous saurez faire comprendre vos sentiments, tout en finesse aux autres. 4 pour les Capricornes et les Sagittaires, votre sincérité sera récompensée aujourd'hui. Une petite mention pour les Capricornes, vous êtes magnifiques. Mm-hmm. Il est bien l'horoscope. Ah ouais. Ah ouais, il est splendide. Et 5 sur 5, les Poissons, les Scorpions, succès de A à Z en ce mardi. On ne verra que vous, succès dans tous les domaines de la vie, notamment en amour évidemment. Poissons, Scorpions, bien joué. C'est vous qui faites carton plein aujourd'hui dans l'horoscope. Il est 8h53. En direct de 6h à 9h, c'est le Morning de Default sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. You, you. Tiens, dédicace à toi Véro, elle adore Rihanna. Bah, c'est pour toi Véro, this is what you came for. C'était Riri Rihanna. On vous offre vos places de concert pour aller voir Jules. C'est seulement sur Skyrock, tournée Skyrock de Jules. Skyrock premier sur Jules, premier sur le rap et premier sur la tournée de Jules. Vous voulez vos places de concert, inscrivez-vous au 7-20-20. Vous envoyez roulette au 7-20-20 et vous gagnez vos places pour aller voir Jules. La tournée de Jules, c'est évidemment à gagner sur Skyrock tout au long de la journée. On commence maintenant. Inscription au 7-20-20, roulette au 7-20-20 et vous faites tourner. Mais avant ça, voici la compile du jour. La compile du morning de Default sur Skyrock. Et on va prendre exemple sur les animaux. Les animaux vont peut-être nous inspirer pour draguer parce qu'ils ont leur technique, les animaux. C'est la journée mondiale des animaux. Et on fait ça sur Skyrock avec notre compile, la sexualité des animaux. Alors, quelques petits chiffres quand même. Romano, tu n'es pas une baleine et tu en es loin. Ah, c'est quoi? C'est une grosse tub? Eh oui, le pénis d'une baleine, le rêve, Cariole, écoute, écoute, écoute, peut atteindre 3 mètres de long. Waouh! Plaisir assuré. Mais là, ça sort par la bouche, là. Ça rentre par le cul, ça sort par la bouche. Oh. Exactement, Romano. Eh oui. Il y a encore du rab si elle a une deuxième cambe. Ah, bah oui, oui. Tu sais, la baleine peut faire de brochettes, quoi. Sachez que les couleuvres rayées, ah, ça précisément. Ça, moi, ça. Sont... Oh, c'est mignon. Ah, c'est horrible. Sont adeptes du sexe en groupe. Elles font partouze, des couleuvres. Ah, les couleuvres, ça partouze. T'as l'impression que c'est un plat de spaghettis qui bouge. Tu sais, un plat de spaghettis géante qui bouge comme ça, ça part tous les couleuvres. Bon, on passe à notre compile du jour. Alors, numéro 3. Numéro 3, on va commencer par le porc épique. Oui. Ouais, très belle bestiole qui pique-pique. Le porc épique qui, pour draguer sa femme, sa chérie, lui fait pipi dessus. Oh. Et oui, il l'asperge d'urine pour la séduire. Est-ce que c'est une méthode qui peut marcher avec les filles? Si vous testez, vous nous dites, hein, n'hésitez pas. Le porc épique asperge d'urine la femelle. Non, mais pour ça la fonctionne séduire. Avec certaines. C'est un porc épique. Romano, tu as un porc tout court. Ouais. Ouais, c'est clair. Numéro 2. Cariole, c'est une porc épiquette, quoi. Numéro 2. Numéro 2, nous allons parler du rhinocéros. Oui. Très très bel animal avec un très grand nez. Ah ouais, quand il y a une corne, quoi. Nous abuse. Le rhinocéros, pour draguer sa femelle, le rhinocéros défèque partout dans la mare dans laquelle elle se baigne. Ah, Cédric, donc, serait-il croisé avec un rhinocéros? Donc en gros, si vous prenez un bain avec votre chérie, essayez, vous nous direz ce que vous en pensez, ce qu'elle en pense surtout. Hein. Ouais, dans le bain, c'est pas mal. C'est la technique de drague du rhinocéros, deuxième de notre compil et puis premier. Numéro 1. Numéro 1, eh bien les traditionnels bonobos. Ah. Les bonomos qui ont des... Alors eux, ils arrêtent pas de baiser. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils arrêtent pas, ils quittent douce. Mais ils baisent entre eux, tout ça, c'est de la folie. Les bonobos qui ont de multiples relations, autant hétérosexuelles qu'homosexuelles par jour. Par jour, ça baisse plusieurs fois. Un bonobo, ça arrête pas de baiser. Et cette pratique, d'ailleurs, porte ses fruits puisque les disputes chez les bonobos sont extrêmement rares. Ah, ah ouais. Ben voilà, faites l'amour, pas la guerre. Donc si on s'engueule un jour dans le morning, bah écoutez, faut qu'on fasse tous l'amour. Ouais. Regarde, Cariole, si un jour quand Cédric revient, tu t'embrouilles avec lui, parce que Cariole, au standard, s'embrouille souvent avec Cédric. Ouais, ouais, c'est clair. Eh ben n'hésite pas à faire l'amour avec lui. Bah ça voilà. Serait tellement répugnant. Ah ouais, je peux pas. Ah, ça serait tellement horrible pour nous, ça serait magnifique. Bah moi je saute sur le belge déjà. Donc vive les bonobos, vive le porc épique et vive le rhinocéros qui fait caca partout dans la mare. Ouais. Faut comme faire caca dans le bas. Parce qu'il y avait la girafe mâle aussi qui était pas mal. Qu'est-ce qu'elle fait la girafe mâle? Alors le mâle girafe, il boit l'urine de la femelle pour savoir si elle est prête à s'accoupler. Oh, pas mal. Pas mal. C'est dégoûtant. On le rajoute dans la compile. Mais c'est pas dégoûtant, Cariole, c'est la nature. C'est la nature, Cariole. C'est vrai. Je vais goûter ton pipi pour voir si t'es prête. Et l'abeille mâle a toujours un problème quand il fait l'amour, parce que quand il fait l'amour, l'abeille mâle, c'est la dernière fois qu'il fait l'amour parce que son organe génital explose et il meurt. Donc en fait, il bande. Ah ouais, il baisse, mais une fois. Quoi. Il bande tellement que le machin. Explosion. Explosion de pénis. Oh merde, et oui. Adieu. Adieu. Rest in peace, l'abeille mâle. Journée mondiale des animaux. Une petite caresse à tous les animaux qui nous écoutent ce matin. Oui. Et merci pour les photos. Dès qu'on parle d'animaux, vous nous envoyez des photos de vos animaux. Oh. Il est beau ce chaton là. Trop mignon. Hein. Il s'appelle Tommy. Il a une tête de saloperie. J'adore ça. Ah, il est mignon. Ah, j'aime bien les chatons. Merci CAC du 33, 21 ans, qui nous envoie la photo de son chaton. Il a un goin ancien là. Oh. C'est un goin ancien. Ah ouais, là, il est du 88, 35 ans. Je peux draguer avec, vous croyez? Et quand je suis comme ça, tu dois faire des ravages, toi. C'est sûr. Ah, Cariole, par exemple, elle tombe direct dans ton. Ah ouais, direct. T'as une bête à elle poil. Elle s'allonge dans la rue, nickel. Direct. Même pas de lit. Ah ouais, ouais. 9h01, allez, on fait tourner la roulette, Joule. Joule dans la roulette, c'est dans un instant. Vous envoyez roulette au 7-20-20 et vous faites tourner pour les places pour Joule. Allez, go. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron? Bon, alors cette foire au poisson Lidl? Eh ben, elle va vous emboucher un coin, hein. Dès demain, les moules de bouchot IGP Origine France sont à 4,99€ la barquette d'un kilo 4. 4,99€ les moules de bouchot chez Lidl? Moins de 5€? Ah, c'est ça, oui. Ah, vous êtes vraiment bouché, patron, hein. Ça nous fait du 3,56€ le kilo. Et là, sûr qu'ils vont déplacer les foules avec ces moules. Là, tu me saoules, hein. On est vraiment mal. Oh, très moule, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au samedi 8 octobre. Pour votre santé, bougez plus. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces, moi. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Avec Oscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur Internet. Et après, je fais comment? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur Oscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à 2 fois moins cher. Je me lance! Oscaro.com, reprenez votre voiture en main.

Oui, c'est ça. Oh, mon bijou. Tu vas jouer pour Jul. Tu fais quoi dans la vie, Morgane? Je suis étudiante. Très bien. Ça étudie quoi? En administration et échanges internationaux. Ah, j'ai vu que tu t'en rappelais plus. Ouais. Bon, l'interrogatoire est fini, Morgane. On y va pour la roulette. C'est Jul. Skyrock t'offre Jul en concert dans la ville de ton choix. Jul sur Skyrock. Eh bien, Jul sur Skyrock, il tourne dans la roulette. Tu veux des places pour aller voir Jul? C'est complet à Paris en plus. Hein. Jul, c'est parti à une vitesse, ces places de concert. Tournée Skyrock. En 48 heures, il a rempli. Hein. Ouais, c'est plein. Même pas. C'est plein à Marseille, c'est plein à Paris. Mais on a encore des places pour vous. Tu dis stop quand tu veux, Morgane. Jul, Jul, Jul. Ok. Stop. Alors, Jul, avec tes places de concert ou pas? Mais oui. Deux places de concert pour aller voir Jul à Paris. Ah bah là, je suis trop contente. Ah bah t'as raison, hey, c'est complet. Et c'est en décembre. On a bien fait d'acheter des places avant que ce soit complet, nous, t'as vu? Ouais. C'est pour toi, t'en as deux, tu vas avec qui, Morgane? Avec ma soeur. Avec la soeur, entre... Hey, les filles, ça va crier, ça va chanter fort. Ah ouais, hein. vraiment là. On te fait un gros bisou, Morgane. Et d'autres Merci. Places pour Jul à gagner tout au long de la journée. Restez bien sur Skyrock avec toute l'équipe. Il y en aura à gagner avec Fred qui arrive dans un instant. Bisous, Morgane. Salut, bisous. Salut. Ciao. Ciao. Ciao, Morgane. Attention, attention, Morgane, pas d'accident, malheureuse. Tu es tombée dans la chasse d'eau, non? Non. Ah non, c'est un accident de cuvette de toilette, très dangereux le matin. Un accident de chiottes. Et le zap du morning. Eh oui, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Vous allez tout savoir tout de suite. On a réveillé les familles avec Soprano dans le réveil de Star. Romano a fait plein de conseils pas chers, il est très content et on a offert plein d'argent et plein de cadeaux. Vos iPhone 6, 7, 7, 7, 7. Ouais, le 7, le dernier. Votre PS4, c'est ça, 4. Aussi, Slim. PS4 oui. Slim, tout ça s'est tombé dans le morning, écoutez bien. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. C'est qui? Eh ben, c'est Jackie et Michel, le site internet, tu sais, le truc un petit peu olé olé. Mais sérieux, on s'appelle comme toi. Mais c'est con. Ah non, mais sérieux, et on lance notre premier magazine, il sort vendredi, je vais te l'amener ce matin. Ah oui, non, mais je vais même pas acheter ça. Bah non, mais si, tu vas acheter ça pour tirer non, sur non, la. Non, non, non, bah, non. Comme ça, tu pourras tirer sur la nouille. Ah. Hey, Adeline Extrême. Ou mère et fille. Qu'est-ce que... Non mais prends-le parce que ce genre de truc ça se loupe pas. Alors. Je vais te dire Romano Info. Oui. Cariole Mytho. Oui. J'aurais dit comme toi. Et attention, c'est gagné. Oh là là, Léo. On a gagné l'iPhone 7, Léo. Bravo, Léo. Super génial, merci. Eh bien, Soprano, toujours sympa, toujours pratique. Viens réveiller les familles de France, la famille d'Alain ce matin. C'est Soprano. C'est qui, monsieur Soprano? C'est qui? Soprano Baba. Non, mais vous êtes un détranqué ou quoi, un alors? Mais bien sûr que non. Ouais, ben, moi, vous donnez votre nom, vous venez, je téléphone à la gendarmerie. Voilà. Non, on verra sur le tas, t'inquiète pas. Venez, vous allez voir. Ça veut dire quoi, ça, votre système, là? Oula. T'inquiète pas, j'ai des principes et un honneur. Pauvre type, voilà. Sans couilles. Il faut répondre à une question. Si t'as la bonne réponse, tu repars avec ton chèque. Il faut me dire, Béram, écoute bien, quelle est ta radio préférée? Skyrock. C'est gagné. Bravo. Ouais Béram. Ouais. Et voilà, vive le 1500 euros. Vive Lyon, vive Béram. Et bravo pour tes 1500 euros, Béram. C'est gagné ce matin sur Sky. Merci beaucoup. On est en direct à la radio, il y a 1500 euros à gagner. C'est pour ça qu'on t'appelle ce matin, Pierre-Cédric. Oui, c'est Skyrock. Ah, je sais pas, je vais te poser la question. On va voir si tu as la bonne réponse. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh bien, c'est la bonne réponse, Pierre-Cédric. Tu viens de gagner. Bravo. 1500 euros ce matin. Et on salue également les voisins de Pierre-Cédric à Tours qui a gagné. Les voisins qui... Ah, il a ambiancé ça, mais comme il faut. Qui en ont profité aussi. Et puis Béram de Lyon dans son lit, mais il a gagné aussi 1500 euros. Bravo Béram. Bravo Pierre-Cédric. Hier, c'était 100% filles pour les 1500 euros. Aujourd'hui, c'était 100% garçons. Que nous réserve la journée de demain? Surprise. Eh bien oui, surprise. Dès 6h, demandez-la. Inscrivez-vous d'ailleurs, si vous voulez augmenter vos chances de gagner les 1500 euros, vous allez sur le 7-20-20 et vous envoyez 1500, c'est tout simple. Vous envoyez 1500, vous êtes inscrit et ça augmente vos chances de gagner. C'est pour demain, peut-être. Dans le morning, dès 6h, il est 9h12. On va dire un petit coucou à Fredo quand même. Un gros coucou, allez. Hello, coucou. Hello. Coucou, Fredo. Ça va? Comment vas-tu? Eh ben, écoute, pas mal. Eh ben, nous aussi, bien. On a passé une bonne matinée encore ce matin. Merci à vous, d'ailleurs, de l'avoir passé avec nous. Et puis, on vous donne rendez-vous demain matin. Mais n'oubliez pas aussi ce soir, entre 21h et minuit, on sera là. Il y a un Carrie qui vient nous voir, c'est Mac Miller. Que... Ah, Mac Miller. Mike Miller. Avec Deng. Ouais, tu passeras peut-être ce soir d'ailleurs. Mais c'est fort possible. Ce matin, Fred. Ou ce matin. Donc il sera avec nous ce soir. Dans la journée. Quoi. Ou dans la journée. De toute façon, vous retrouverez du Mac Miller. On va être large comme ça, tu as raison, Romano. Ouais. Du rap US, du rap français, du gros son sur Skyrock. C'est parti, Urban Music non-stop, c'est avec toi, Fredo. Et puis je peux vous dire que ça commence avec du très très lourd. Hein. C'est quoi du lourd? C'est Travis Scott. Non. Non, c'est qui? Ah, bon. Oh, c'est The Weeknd. Oh. Oh. Starboy. The Weeknd et Daft Punk. Et les Daft Punk aussi sur ce morceau. C'est bien, tu mettras du Travis Scott aussi. Bah évidemment, Pick Up The Phone. Ouais, c'est bien. Yeah. Ce sera tout à l'heure. Ah, ça passe avant 10h? Ouais. Normalement. Normalement. Si, si, avant 10h, tu l'as. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai un petit doute, mais normalement, ouais. T'auras aussi du Soprano, j'ai vu ça. Hein. C'est beau, hein. Ouais, le nouveau Niska Maître Gims, Romano, c'est son préféré. Ah ouais, j'adore. Elle avait son Joe. Oh là là, mais ça va être bon, Fredo. On va rester avec toi, nous. Hein. J'espère bien. Eh ben, bouge plus. Allez. À toutes. À tout à l'heure, Fred. Ciao, ciao. Et à 21h, on est là. Ciao. Le retour de toute l'équipe en pleine forme. Oui. Ciao à toutes. À tout à l'heure. Bonne matinée, bienvenue. Bon mardi à vous tous. Rap R&B non-stop sur Skyrock. La roulette qui va tourner encore, on le disait, avec Diffoul, des places pour aller voir Jul et le son de The Weeknd maintenant avec les Daft Punk. Une grosse tuerie ce morceau, Starboy. Et l'album arrive 25 novembre prochain. Kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster SVI. Overweight and hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my car if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraithicon. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like take any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. Skyrock, premier sur le rap. Fais pas l'étonner, la maman maille, il m'en faut.

A murderer.